On va commencer avec Céline qui a fait un mémoire de maîtrise sur les milieux libres et qui depuis a tiré la quintessence pour en faire un livre publié aux éditions Libertaires, presque sans faute. Ouais, mais on va en parler, je pense. Et je vais un peu lancer le truc en me posant la question que je vous ai posée ce matin, mais je vais réfléchir entre temps. Nous, à Marseille, le milieu, on en connaît. Même il y en a plusieurs à Marseille. Pourquoi cet homme de milieu libre est-il arrivé sur le marché de l'anarchie? Alors, bah, après, ouais, je ne sais pas exactement, après je pense... Ah oui, non, mais en plus, t'as pas gagné sur... Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont appelé ça milieu libre. Ce qui est sûr, c'est que le terme milieu, c'est un terme qui revient souvent dans les textes à l'époque. Je ne sais pas, par exemple, il y a Sébastien Faure, quand il fonde la ruche à l'école à Rambouillet, l'école libertaire à Rambouillet, il parle du milieu dans lequel est plongé l'individu, et donc il faut pouvoir changer le milieu, mais aussi l'individu. Et il dit « tant vaut le milieu, tant vaut l'individu ». Donc je suppose que c'est peut-être pour ça qu'ils ont repris à ce moment-là ce terme-là, en se disant qu'il fallait créer des milieux qui permettent à l'homme de changer, et, voilà. Parce qu'ils insistaient beaucoup sur le terme « individu ». Après, « milieu libre », c'est vrai qu'on pouvait dire aussi « colonie anarchiste », mais ce terme-là, on l'utilisait pas mal quand il y avait la notion de partir, quand c'était à l'étranger. Par exemple, il y a eu la colonie anarchiste au Brésil de Giovanni Rossi dans les années 1890. Il y en aura d'autres après, pendant l'entre-deux-guerres. Et puis c'est vrai qu'après, on va utiliser le terme de communauté, c'est-à-dire dans les années 70, qu'aujourd'hui, on dirait plus tellement non plus communauté, on dirait peut-être, je sais pas, lieu collectif ou quelque chose comme ça. Donc, lieu de vie, ouais. Donc bon, c'est le terme qui est employé à ce moment-là. Enfin, on le retrouve quoi, en gros, dans les années 1900. Donc pour désigner ces tentatives de vie collective, où on essayait de changer sa manière de vivre par différents moyens. Quoi. Donc il y en a eu quelques-uns en France. le premier en 1902. Dans l'Aisne. D'ailleurs, il y a un autre bouquin qui vient de sortir sur le milieu libre de Vaud. Et lui, qui avait une forme assez particulière, c'est un milieu libre où on en a beaucoup parlé au début, c'était le premier, donc il fallait que ça serve d'exemple, c'était censé être un lieu où on allait montrer comment on vivait en anarchiste, comment c'était génial, et du coup, tout le monde allait se mettre à vivre comme ça. Et donc voilà, donc il y a eu le milieu libre de Vaud. À peu près au même moment, enfin un petit peu après, en 1903, il y a eu celui de Fortuné Henry dans les Ardennes. Donc Fortuné Henry qui est le... Ouais, à Aiglemont. Ça s'appelle l'essai. Donc Fortuné Henry, c'est le frère d'Émile Henry qui a lancé la bombe sur le café Terminus dans les années 1890. Et donc Aiglemont, c'est assez... C'est pareil, ils vont être jusqu'à une vingtaine, je crois, à vivre là-bas. Et à construire plusieurs maisons. Creuser un étang, avoir des potagers. Et ce qui est important dans les Ardennes, c'est qu'ils vont être liés à la CGT. Enfin, ils vont aider à reconstruire la CGT là-bas. Et puis, ils feront un journal, des brochures, etc. Et c'est à Aiglemont que Victor Serge s'est rendu. On a un témoignage de Victor Serge. Voilà. Et puis, donc, à ce moment-là, il y en a quelques autres qui se créent, par exemple, à Saint-Germain-en-Laye, où là, il y a Le Rulot qui participe, donc Le Rulot et Émilie Lamotte qui est sa compagne à l'époque, qui a fait quelques brochures sur l'éducation libertaire, le néo-malthusianisme. Voilà, et puis après il y en a quelques autres qui sont moins connus en Corse, on a peu d'éléments à Lyon, enfin bon, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces premiers milieux libres qui sont pas mal dans l'idée d'exemplarité, de servir d'exemple pour la propagande anarchiste, etc. Et puis petit à petit, ça évolue de plus en plus vers l'idée qu'il faut vivre en camaraderie, qu'il faut mettre au maximum ses idées en pratique tout de suite, parce que de toute façon, même s'il y a une révolution, si on n'a pas commencé avant à appliquer ses idées, on aura peut-être un peu de mal. Et donc ça correspond aussi à d'autres lieux où, qui ne se disent pas vraiment milieu libre, mais où il y a aussi cette pratique de la vie en commun, et de mettre ses idées, d'appliquer ses idées dans sa vie quotidienne. Et donc notamment, il y a le siège du journal L'Anarchie à Paris, rue de la Barre, dont il y en a, enfin, Libertad est assez connu. Enfin, il y a un bouquin qui vient de ressortir aussi avec ses textes. Mais il y avait Libertad, mais il y en avait beaucoup d'autres. Il y avait les Sœurs Maé, pas mal de femmes. Bah, il y avait Mauritius, je dis ça parce qu'il est sur ma tête. Mauritius, qui sont plus ou moins connus. Mais donc, eux qui vivaient à 10 à l'endroit où ils tiraient le journal, qui en plus avaient toute une dynamique d'animer le quartier. Enfin, ça devait être assez intéressant puisque il y avait les causeries populaires en parallèle. C'était un peu en réaction aux universités populaires où ils trouvaient que c'était un peu trop blindé, un peu trop. Enfin bon, ils avaient envie de faire un truc un peu plus populaire, quoi. Donc ils font les causeries populaires et donc ça a lieu toutes les semaines. En plus de ça, ils font des balles à Montmartre. Quelquefois, ils font les réunions dehors dans la rue, ils sortent des chaises, donc ça crée toujours des problèmes avec. Avec la police, parfois des affrontements, il y a des rapports de police où on raconte qu'ils se retrouvent, il y a 1000 personnes qui se retrouvent dans la rue parce qu'il y a une bagarre qui s'est engagée. Enfin bon, donc a priori, ça devait être assez, il devait y avoir pas mal d'ambiance. Les rapports de police disent d'ailleurs que Libertad devient le roi du quartier et que voilà, le nid rouge fait vraiment beaucoup d'agitation autour de lui. Donc voilà, et ce qui est intéressant par rapport au journal L'Anarchie, c'est que tout au long de l'apparition du journal, il y a cette pratique de vivre ensemble, et ça va aller jusqu'à l'épisode à Romainville, rue de Bagnolet, où il y a tous ceux de ce qu'on appelle la bande à Bono, quoi, ou l'affaire des bandits tragiques, qui vivent là, qui ont un grand jardin, pareil, qui ont un potager, qui font des exercices de culture physique, tout un tas de choses. Pratique de l'amour libre, enfin, bon. Voilà. Donc, je ne sais pas si je... Ouais, ça c'est le livre qui vient de ressortir avec les textes d'Albert Libertad. Voilà. Tout récent. Ouais. Qui était déjà paru dans les années 70, je crois, mais... Le culte de la charogne. Alors, d'ailleurs, vu que je parle de l'anarchie, j'avais... C'était une petite question. Ce qui est intéressant à l'anarchie, par exemple, il y a un témoignage de Mauritius. On sent que ça a marqué pas mal de gens pour quelques années. Alors Mauritius qui raconte « Nous étions terriblement pauvres, mais nous ne le savions pas, animés que nous étions par l'enthousiasme. À l'anarchie, nous étions des révoltés, nous efforçons de vivre en anarchistes et prenant une part active à tous les mouvements de masse. » Alors ça par exemple, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'évidemment, ça a suscité pas mal de réactions quand il y a eu ces volontés de créer des milieux libres, des critiques qui sont toujours, qu'on retrouve toujours, quoi, dès qu'il y a des tentatives de ce type-là qui voient le jour, on leur a dit « Oui, vous faites ça, vous êtes perdus pour la propagande, vous allez perdre tout votre temps à vous occuper de votre vie quotidienne, et puis vous désertez la lutte de classe. Bon. » Alors. Bon, bah, en tout cas, pour cette période-là, dans les milieux libres, moi, je trouve que c'est pas du tout le cas. En général, ils sont plutôt impliqués, enfin, ils arrivent plutôt à diversifier leur mode d'action. Et notamment, par exemple, les gens du journal L'Anarchie, ils étaient beaucoup présents pendant la grève à Draveil en 1908. Ils étaient, a priori, ils ont pas mal participé. On n'a pas forcément beaucoup d'éléments là-dessus, mais ils étaient sur place et ils faisaient des coups de main. Voilà. Donc sur cette question de la fuite, etc., moi je pense que c'est une question intéressante parce que c'est des débats qui reviennent toujours, qui viennent de manière récurrente. Donc là-dessus, je voulais faire parler Fortuné Henry. Bon, je parle un peu comme ça me vient, mais après, si vous avez des questions, c'est aussi pas mal. Alors, donc ça c'est Fortuné Henry qui parle et qui raconte comment dans les Ardennes ça se passe à Aiglemont. Il raconte « Si notre vie a des heures paisibles, elle a souvent, et c'est ce qui la rend si bonne à vivre, de fortes heures de lutte. Il ne faudrait pas croire que la constitution d'un milieu libre indique chez ses participants l'intention de s'évader de la société pour manger tranquillement la soupe aux choux au coin d'un bois. Il ne constitue pas non plus un moyen infaillible d'amener la révolution, il permet simplement à des hommes d'intensifier la propagande dont ils sont capables, de la faire avec une liberté d'allure qu'ils n'ont pas dans la société actuelle, et chaque fois qu'une injustice est commise, qu'une révolte les appelle, ils n'ont pas, grâce au milieu libre, le souci de ce qu'ils laissent derrière eux. Il en résulte une puissance d'activité et de propagande qu'on ne saurait acquérir dans aucun autre milieu, et par l'isolement voulu, un puissant moyen d'éducation. » Et donc, Donc c'est vrai qu'il y a cette querelle qui revient de manière constante et qui paraît assez injustifiée. Alors Aiglemont, c'est un bon exemple parce que si Fortuné Henry décide de s'installer là-bas, c'est parce qu'il connaît assez bien Charleville-Mézières, il y allait régulièrement, il a déjà eu des soucis parce qu'il a fait une conférence là-bas assez virulente et puis je ne sais plus où il a été condamné. Il a dû faire, je ne sais plus, quelques mois de prison, je ne sais plus vraiment. En tout cas, il connaît du monde là-bas et c'est vraiment un lieu de passage. Alors, ces milieux libres, ça arrive souvent. La colonie de Saint-Germain-en-Laye, c'est la même chose. Tous les week-ends, il y a des gens qui viennent, parfois de Paris même, ils prennent le train, ils descendent là-bas. Il y a les ouvriers du coin qui passent. Alors évidemment, ils n'ont pas de bon rapport avec tout le monde. Mais avec le monde, au niveau des ouvriers, ça se passe plutôt bien. Il y a des photos où on peut voir qu'il y a tous les visiteurs à la colonie d'Aiglemont. On voit qu'ils sont toute une bande. Voilà. Après, on peut penser qu'ils avaient moins de rapport avec la population paysanne autour, qui était plutôt catholique. Et donc là, évidemment, ça ne devait pas se passer de la même manière. Pour Vaud, là, dans l'Aisne, je pense que là, ils avaient un peu plus de mal à s'implanter. On ne sait pas trop pourquoi ils sont allés là-bas. Ils ont eu l'occasion de trouver une maison avec un terrain, mais je suis pas sûre que les relations étaient aussi cordiales. Par exemple, il y a une petite anecdote où ils avaient récupéré une vieille charrette avec un cheval, et les gens du pays appelaient cette charrette le carbillard. Donc bon, ils ne devaient pas les trouver très, très sympathiques. Donc voilà, sur ce point-là. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Ce qui est intéressant dans cette histoire des milieux libres, c'est que ils sont pas créés par n'importe qui, en fait. Bon, il faut imaginer qu'à ce moment-là, le milieu anarchiste, il y a des tas de tendances différentes, à la limite, chacun a sa propre manière de faire, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a... Ce qui est assez fort à ce moment-là, c'est le syndicalisme révolutionnaire qui commence à prendre une part assez importante. Il y a les théoriciens, donc Jean Grave, etc. Et il y a aussi tous ceux qui vont plutôt se reconnaître dans les individualistes anarchistes qui s'affirment un peu à ce moment-là, dans le sens où ils vont considérer, eux, qu'il faut mettre... ce qui est important, c'est l'individu. Que le changement viendra de l'individu. Ils ne croient pas tellement dans les masses. Ils pensent qu'une action de masse, c'est assez compliqué et qu'il n'y aura pas de changement réel tant que chaque individu ne sera pas conscient et qu'il n'aura pas fait un changement sur lui-même. Donc en ça, ils vont se différencier un peu des autres. Et donc, on comprend mieux aussi pourquoi ils créent ces milieux libres, parce que c'est là où ils se donnent les moyens de réellement changer. Donc cette expérience-là, ces expériences s'inscrivent quand même dans l'affirmation de ce courant-là aussi, même si, évidemment, parce qu'après, c'est ça qui est intéressant à cette époque-là, il y a énormément de passages, les milieux ne sont pas cloisonnés, et donc on peut être individualiste et fréquenter quand même les individualistes pouvaient être communistes aussi, donc c'est un peu des termes, c'est un peu compliqué même au niveau des termes d'arriver à s'y retrouver, quoi. Donc bon. Et ce qui est intéressant avec les individualistes, c'est que moi, ça me paraît, leur critique, elle me semble intéressante déjà au niveau de l'individu, même pour maintenant, quoi, parce qu'ils ont donc cette réflexion au niveau de l'individu. Et aussi, ils ont des critiques qui sont assez percutantes, il me semble, moi, au niveau du syndicalisme, évidemment, puisqu'ils s'affirment à côté du syndicalisme révolutionnaire. Donc, par exemple, du syndicalisme. Par exemple, on a Libertad qui est assez virulent là-dessus. Et donc lui, il a toute une théorie sur le travail utile, en gros. En gros, il explique que le syndicalisme, le problème, c'est que des fois, il va se retrouver à défendre des métiers qui n'ont pas besoin d'être défendus. Alors, par exemple, il dit « Sans entrer dans une nomenclature trop longue des métiers que nous classons utiles et de ceux que nous classons inutiles, nous pouvons dire que sont... que sont utiles tous les métiers qui aident au développement de nos sens, à la satisfaction de nos besoins. Peindre des réclames, des enseignes, fabriquer des compteurs à gaz, estamper des billets de banque, etc., nous paraît être un travail inutile. Tous ces métiers sont d'ailleurs les conséquences directes ou indirectes de l'inégalité économique, c'est-à-dire de la propriété individuelle qu'ils ont pour but de sauvegarder ou de légitimer. Ils n'auraient plus de raison d'être dans une société d'hommes libérés. Par conséquent, plus d'armuriers, plus d'ouvriers de compteurs, plus d'estampeurs de billets de banque, plus de monnayeurs, vrai ou faux, plus de contrôleurs de métro. Beaucoup de ces corporations au travail inutile ont place dans la CGT. Va-t-elle décider de leur disparition ? Elle ne le peut. Et donc il y a cette critique du syndicalisme, et l'autre aspect pour lequel ils critiquent à mon avis les syndicats, c'est qu'ils se rejoignent sur la question de l'éducation, dans le fait que l'éducation est très importante, qu'il faut éduquer l'individu, les enfants, etc. Mais sauf que le syndicalisme s'adresse principalement aux travailleurs et pas à toutes les manifestations de la vie. Moi j'ai l'impression que à ce point-là il est assez important. Parce que... par exemple, je pense qu'à cette époque-là, on peut dire que dans les syndicats, par exemple, il y a très peu de femmes. L'intérêt des milieux libres, c'est qu'on en rencontre un certain nombre qu'on ne rencontre pas par ailleurs. Donc ça, moi, c'est un autre point qui m'a vraiment pas mal plu en bossant là-dessus. C'est que, évidemment, vu que c'est leur vie, il y a toutes les compagnes qui viennent. Donc alors avec les compagnes, ça pose un certain problème parce qu'elles sont pas toutes anarchistes, loin de là. Mais il y a aussi un certain nombre de femmes qui sont anarchistes et qui se disent anarchistes, qui écrivent, qui font des conférences et dont on n'entend pas, qu'on ne connaît pas spécialement. Pourtant, elles ont eu, pour certaines, des vies assez étonnantes. Enfin, je pense par exemple, bon, il y a les sœurs Mahé qui sont un peu plus connues, mais il y a aussi Jeanne Morand, par exemple, qui a vécu avec Libertad, qui, elle, est très très peu connue. Mais elle écrivait assez peu, mais qui a une vie... vraiment, vraiment surprenante. Il y a Émilie Lamotte qui était la compagne de Lorulo. Il y a Sofia Zajkowska qui a participé à la fondation du milieu de Vaud et qui, elle, va dans les entre-deux-guerres, s'occuper beaucoup des histoires de végétalisme. Donc il y a un certain nombre de femmes qui participent à ces expériences. Voilà. L'autre point qui, à mon avis, est important, c'est qu'ils ont une critique aussi de l'organisation. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, et depuis la période des années 1990, il y a un certain nombre de théoriciens qui vont amener le fait qu'il faut s'organiser, il faut créer des organisations anarchistes. Et évidemment, ce n'est pas du tout le truc des individualistes, qui considèrent que une organisation... Au bout d'un moment, il faut la défendre en tant que telle, c'est pas forcément utile, etc. Et je pense que quelque part, le fait d'avoir des lieux où s'ancrer, où puisse y avoir un passage, où il puisse faire une certaine propagande, c'est aussi une manière de répondre à cette question de l'organisation. En fait, moi, c'est ça qui me semble aussi intéressant dans les milieux anarchistes de cette époque-là, c'est qu'il y a tout un ensemble de lieux, on pourrait dire lieux de sociabilité, enfin je sais pas, de lieux de passage qui permettent réellement d'avoir des endroits où on s'organise, où on peut imprimer des brochures, des journaux, où on peut prendre pied pour tout un tas d'actions, faire des conférences, etc. Et donc ça c'est un point qui est intéressant également. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas envie de parler encore trop toute seule. Enfin, je sais pas, sauf si... Et à la limite, si vous... je sais pas si vous avez... Ah oui, si, j'ai encore quelque chose à dire. Si, l'illusion de peur. Ouais, voilà. J'ai pas commencé par ça, mais j'aurais peut-être dû, mais... Bon, ouais, j'ai fait un petit rectificatif. Hein. Parce qu'en fait, bon, la couverture, elle est très bien. Et bon, le texte, a priori, c'est moi qui l'ai fait, donc ça va. Mais par contre, il reste pas mal de fautes d'orthographe. En fait, j'ai pas vu les épreuves avant que ça soit imprimé, donc il n'y a pas eu de relecture et donc il en reste un certain nombre. Au milieu, il y a des photos et il y a une photo d'Armand. Alors on m'a déjà fait la remarque qu'il s'était jamais appelé Émile, donc maintenant moi je le sais, mais faudrait le rappeler aussi aux éditions Libertaires parce que là ils ont mis Émile Armand. Ouais. Et après, en fait, ce que je voudrais dire qui est assez important, c'est que c'est pas moi qui ai fait la quatrième de couverture et je me retrouve pas tout à fait avec ce qui a été écrit. Vraiment pas d'accord. Ouais, on peut même dire ça. Donc, pour, par exemple, alors je vais juste lire le début. En fait, ça dit « À la fin du 19e siècle, les anarchistes lancèrent à l'assaut du vieux monde, poignards, revolvers, bombes, tout était bon pour zigouiller les rois, les patrons, les militaires, les juges, les flics, les curés. L'objectif était de terroriser les puissants et d'insuffler l'esprit de révolte aux petites gens. Ce fut un fiasco total. » Comprenant que la révolution sociale, c'était aussi une longue marche d'organisation et d'exemplarité, les anarchistes se retroussèrent alors les manches. Donc c'est là qu'ils créent des syndicats. Voilà. Donc c'est là qu'ils créent des syndicats et des milieux libres. Donc en fait, c'est vraiment. Voilà, avant, il est bon. Donc en fait, moi, cette interprétation-là, pour moi, elle est pas du tout valable. Je pense que historiquement, ça se défend pas tellement parce qu'ils sont quand même encore à ce moment. Enfin, ils n'ont pas renié la propagande par le fait. Je pense que, en tout cas, pour ceux qui sont dans les milieux libres, ils sont dans l'idée qu'il faut diversifier les modes d'action. Et c'est pas du tout, les attentats, ça a échoué, donc maintenant, on passe à l'alternative, on crée des milieux libres. Enfin, c'est vraiment pas du tout la vision de l'époque, quoi. Je pense que même ils se situent dans la perpétuité pour eux. Un milieu libre, c'est une propagande par le fait aussi. Par exemple, alors ça, c'est Buteau qui parle de ça. Donc Buteau qui a créé le premier milieu libre en 1902, dans un article qui s'appelle « En marche vers la colonie libertaire », il décrit un peu le milieu anarchiste de l'époque. Bon, il doit être un peu peut-être qu'il y a un peu polémique là-dessus, mais bon. Alors il dit par exemple, là au début il parle d'eux. « Il en est d'autres qui ne craignent pas de mettre le plus possible leurs actes d'accord avec leurs paroles et qui trouvent que la propagande par le fait est autrement sérieuse que tous les écrits, que toutes les parlottes et que la théorie doit maintenant faire place à la pratique. » Je sais qu'on n'est plus beaucoup partisans dans les hautes sphères, point d'exclamation, anarchistes de cette propagande, on sent bourgeoise, cela fait un très vilain effet. Donc, voilà, c'est clair, quoi. Et... Bon. Donc, ça me paraît pas très correct. Et puis, le fait de dire aussi qu'ils se retroussèrent les manches et ils se mettent au travail, ça me paraît assez bizarre, parce que je pense que la question du travail, justement, c'est pas si simple dans les milieux libres. Enfin, pour beaucoup, je pense que qu'au départ, il y avait aussi l'idée d'échapper au salariat, au travail même. Et il y en a même qui se disent qu'on peut pas être révolté salarié, quoi, qu'il faut sortir de ce truc-là, qu'il faut être indépendant, faut plus être sous la coupe d'un patron. Bon, ils se disent ça. Après, il y en a un certain nombre, à mon avis, qui galéraient aussi à trouver du boulot. C'est des irréguliers du travail. Et donc, ils cherchent d'autres moyens de se débrouiller. Donc il y a le côté qui peut paraître un peu, je sais pas, bon, où ils ont un potager, ils font de la culture, etc. Ils sont un peu artisans. Et puis il y a le côté aussi plus illégaliste où ils font de la fausse monnaie. C'est quand même assez présent. Fausse monnaie, faux timbre. Par exemple, Lorulo, je crois qu'il est arrêté pour une histoire de faux timbre. Armand, qui soutient beaucoup les milieux libres. À ce moment-là, il fait un peu de prison pour la fausse monnaie. Et puis, il y a toutes les pratiques plus de vol à l'étalage. On trouve des rapports de police là-dessus, ils en parlent. Il y a beaucoup les individuels. Oui, voilà. Et puis, bon. Donc il y a cette idée-là, quand même, de sortir du salariat. Et par rapport au travail, il y a même aussi, à mon avis, il y avait quand même l'idée au départ qu'on allait aller en milieu libre et que ça allait être facile, on allait produire ce dont on avait besoin et qu'on allait s'en tirer comme ça. Sauf qu'a priori, c'est pas si facile que ça et qu'on se retrouve toujours dans les querelles entre les parasites qui travaillent pas assez, ceux qui font. Et puis il y a toujours la division qui revient aussi entre ceux qui s'occupent du milieu libre, donc. Plutôt d'un côté manuel, et puis les théoriciens, entre guillemets, enfin, ceux qui font les conférences, etc. Il y a un peu ce conflit-là qui revient, qui écrivent. Donc la question du travail, elle est pas si simple. Donc voilà, donc pour le quatrième de couverture, voilà ce que je voulais dire à peu près. Ouais, ça me semble important de rappeler ça. Voilà. Dans la Cécilia, ici aussi mis en évidence le côté difficile de comprendre les travailleurs plus ou moins efficaces dans la vie. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, ça c'est une question. Alors, oui, justement, c'est une question qui est vraiment importante parce qu'en plus, du coup, ils se rendent compte que c'est pas si simple de se débrouiller par ses propres moyens en travaillant. pour produire ce dont on a besoin. Et donc, il y a aussi cette histoire de réduction des besoins qui va apparaître. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même lié à leur pratique aussi, que c'est pas juste un truc théorique. C'est que en travaillant, ils se rendent compte que s'ils veulent réussir à vivre par eux-mêmes, il va falloir qu'ils soient un peu moins... Enfin, ils peuvent pas avoir cette idée. Il y a l'idée de l'abondance qu'elle a au début, et en fait, ils reviennent pas mal dessus, quoi. Et donc, dans cette idée de réduction des besoins, ça va aussi avec un certain nombre d'autres idées à ce moment-là. Par exemple, donc les idées végétariennes, végétaliennes, qui pénètrent un peu dans les milieux anarchistes. On peut dire, je pense, à partir de 1900-1902. Il y a déjà cette différenciation entre végétarien et végétalien. C'est pas si clair. Je pense que ça, après, ça apparaît plutôt dans les années 1910. Parce qu'il y a la question végétarienne qui apparaît vraiment en 1900, vers ce moment-là où il y a Reclus qui écrit un article sur le végétarisme. Et végétarisme ou végétalisme, je pense que c'est plutôt 1910, où là il y a vraiment des groupes qui commencent à se former et qui deviennent assez carrés là-dessus, où il faut être végétarien, ou non, il faut être végétalien, les végétariens c'est pas des vrais, parce que c'est pas bon. Voilà. On peut pas, végétarien ça veut rien dire, c'est qu'à moitié. Là, dans le naturel, c'est pas les trucs sur le végétarisme. En 1890, enfin dans les années 1890, dans le naturien, c'est pas une question qui est centrale. À la limite, ils peuvent être omnivores. Ouais, il y a déjà peut-être quelques mentions, mais en tout cas, ça se répand, je crois. Ouais. Ouais. Parce que par exemple, en Suisse, là, chez notre camarade Otto Gross et tout. Appelez-moi Ascona, qui a été fondé à Trane, 19e, les premiers qui sont venus sont déjà végétariens. Ouais, d'accord. Ça vient de Hollande, tu vois. Ouais. Ouais, après ça se diffuse vraiment pas mal, plutôt dans les années 1900 et tout ça. Oui. Ouais, mais ça apparaît avant. Ouais. Ouais. Et donc la question végétarisme, végétalisme, c'est, à mon avis, la distinction elle fait plutôt dans les années 1910. Et de là, il y a quand même des groupes qui deviennent vraiment exclusivement végétaliens et qui vont même élaborer toute une doctrine d'émancipation à partir du végétalisme. Comme quoi, c'est par le végétalisme qu'on va arriver à l'émancipation de l'humanité, etc. Donc ça, et puis... Ouais, il y a quelques années, il y avait une revue là, qui s'appelle Invariance qui avait publié des extraits de toutes ces revues de l'époque, naturien, néo-naturien, etc. Mmh. Et là, moi, j'avais été un peu surpris parce que, bon, moi, je suis végétarien, je suis venu à ça, j'ai un peu lu les trucs sur la libération animale, l'antispécisme. Et par rapport, là, actuellement, j'ai l'impression que les gens sont végétariens plus par rapport aux animaux. À l'époque, c'était vraiment des questions de santé. On est des militants, il faut pas boire des produits qui vont nous pourrir la santé, qui vont donner des toxines, donc c'est la viande, on interdit tout, quoi, c'est le café, pas d'alcool. Ouais, café. Alors qu'actuellement, dans les milieux qui sont plus proches, enfin, qui s'intéressent à l'antispécisme, à la limite, boire de l'alcool, ça n'a rien à voir. Si on est végétalien ou végétarien, bon, et végétalien, c'est encore mieux pour bousiller le moins possible d'animaux. Quoi. Et ça m'avait surpris en feuilletant un peu tous ces extraits de revues. Je trouvais que c'était vraiment, après même un peu, pas dangereux, mais l'homme, nous, on va être des hommes purs parce qu'on bouge bien, parce qu'on boit pas un peu d'alcool et tout ça. Quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et après, là, il y a une communauté qui s'appelle Basse-Pont, c'est ça? Ouais. Alors, c'est vous, en fait. La basconnaise, c'était une salade où ça avait l'air très bon, mais on mettait tous les ingrédients en saison et on mangeait ça. Quoi. Oui. Et ça, c'était révolutionnaire de faire cette salade et elle avait changé le monde. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout ce rapport au corps qui est parfois un peu spécial, quoi. Même tous les exercices de culture physique, etc., où on fait vraiment attention à son corps et tout ça. Ouais, à Montevideo aussi. Mais et après, ce qui est pas mal, par exemple, par rapport à l'alcool, je pense qu'il y a aussi l'idée, par exemple, si on cultive des vignes ou du houblon, etc., c'est autant de culture perdue pour nourrir les gens. Donc, et du travail perdu aussi. Donc il y a aussi cette idée-là qui est assez amusante. Mais la basconnaise, c'est Louis Rimbaud notamment, enfin, qui est censé avoir inventé ça. Et lui, il va créer une cité végétalienne dans l'entre-deux-guerres. Et c'est vrai que ce qu'il écrit, c'est assez... c'est spécial, mais bon. Et ouais. que là, c'est intéressant. Et cette question de la réduction des besoins, parce que en fait, c'est ça, c'est qu'il y a le côté, il y a quand même le côté un peu éthique par rapport aux animaux. Il y a le côté Dans le repère par invariance, je ne sais pas ce qu'ils ont choisi, mais quasiment rien sur l'animal. Sur l'animal en tant qu'individu, respecter les animaux. On trouve rien. Ouais. Il y a un petit peu de truc là. Non, mais attends, c'est pas la même époque. Pour lui, défendu les animaux, mais là, dans ces revues, alors je ne sais pas si les articles sont bien choisis ou non, mais il y avait quasiment rien. Bah, ouais, ça dépend. Parce que Rimbaud, par exemple, lui, il parle aussi des animaux. Par exemple, à lui, on n'a pas le droit ni d'exploiter l'homme ni l'animal. Donc, par exemple, alors je ne sais pas comment ils font après, mais on ne se sert pas d'un cheval pour. J'en ai connu qui l'ont fait dans les Cévennes ou autre. Quelle est la différence entre végétarien et végétalien? En fait, les végétaliens, ils mangent rien de ce qui provient de l'animal, mais même au niveau, ça peut se au niveau de l'habillement aussi, par exemple les chaussures en cuir. Enfin, en gros, ouais, il est plus en laine. Alors ça veut dire pas de lait. Pas de fromage. Ouais, après végétarien, qui ne mange pas de viande, ne mange pas d'animaux, mais mange des produits animaux. On est à la limite du ridicule. Non. Interdire. À partir du moment où on interdit quelque chose, c'est que l'homme libre. Non, mais justement. Si vous êtes pour l'homme libre, vous êtes absolument contre les régimes, quels qu'ils soient. Mais non, mais là, c'est des gens qui vivent en commun et qui vivent sur des bases. Donc si la base de la vie en commun, c'est d'être végétalien, ben, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ils vont fonder un milieu libre de réforme de viande. Et ça, c'est les individus qui choisissent. C'est principalement végétarien, et puis à mon avis, c'est plutôt végétarien. Mais oui, il y a ça. Mais oui, c'est ça qui est important à l'époque aussi. C'est que c'est ça. Même le végétalisme, moi, je pense que ça vient aussi du fait. Par exemple, on trouve des brochures. Alors, c'est plutôt dans l'entre-deux-guerres où ils parlent des plantes sauvages alimentaires. L'idée, c'est qu'on puisse se nourrir facilement, quoi. Donc, il y a quand même ce truc-là. Ce qui est plus intéressant, c'est de parler des Indiens qui tuent pas les vaches parce qu'ils trouvent aucune vache. Elles produisent du lait toute l'année, tandis que si on tue la vache, on mange pendant 2 jours. Là, oui, on est dans un système absolu, c'est-à-dire qu'on respecte l'animal, parce que l'animal produit quelque chose, le lait, c'est un animal qui peut être consommé par les végétaliens et les végétariens. Et le lait, c'est le produit de la vache, et à partir de là, une vache, c'est inutile. Mais c'est autrement, à la limite, les régimes, supprimer l'alcool, supprimer le lait, supprimer la viande... Les cigarettes. Moi, je ne suis pas interdit, quel qu'il soit, à partir de là. C'est très bien, c'est un point de vue, cher camarade. Je respecte beaucoup les végétaliens, je respecte beaucoup les végétaliens, mais c'est un régime qui ne me convient guère parce qu'il est trop proscrit. Mais il y avait déjà des discussions. Il y avait déjà des discussions de ce genre à l'époque. Hein. Et d'ailleurs, il y a un débat au lieu. Non, mais c'est évident qu'il en a rien. Attends, il va demander de parole. Ça n'a rien à voir au débat. Ouais, c'est pas le temps, le débat, c'est pas qu'il y a ça. Non, mais si, si vous voulez dire un truc, c'est que. Mais moi, je pense, parce que tu disais, là, ce que tu as vu dans la variante, en fait, je crois que l'époque aussi du 20e, c'est bien imprégné dans l'idée de dégénérescence et de enfin, par rapport à la civilisation, peut-être aussi à l'industrialisation, et tout ça. Et il n'y avait pas seulement les anarches qui partaient là-dedans, il y avait plein de gens qui partaient dans les psychogénistes, pas même les anarches. L'hygiénisme aussi. L'hygiénisme. Et qu'en fait, c'était plus sur la question de la santé, qui se penchait là-dedans, même si ça peut paraître très simple. Non, moi, c'était une constatation, je faisais ça. Ouais, c'est pas plus crétin. Non, mais c'est pas sur des. Enfin... Là, j'essayais de comparer les époques, hein, pour revenir sur d'autres comparaisons, c'est aller à l'époque, j'ai l'impression que les milieux libres étaient restés en contact avec la presse, donc c'est ce qui leur permettait sûrement de survivre pendant un certain nombre d'années, il y avait des souscriptions, tout ça. Alors je pense que les communautés anars, il en existait encore maintenant, mais les gens sont beaucoup plus discrets. Et je sais que dans les Hautes-Alpes, il y a des types qui vivent depuis 30 ans, bon, c'est peut-être de boucle ou en Ariège, mais ils ne font pas parler d'eux, quoi. Ou ils vivent dans le milieu associatif local, mais t'as pas des articles qui théorisent ça dans la presse libertaire. Après, je pense qu'il y a aussi, il y a déjà que, je pense que là, il y en a dont on n'entend peut-être pas parler, enfin, je sais pas, hein, mais je suppose. Et ensuite, je pense que aussi maintenant, il y a une profusion d'informations. Enfin, même si on a l'impression qu'il reste pas tant de journaux que ça ou quoi, même, je sais pas, avec Internet, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des groupes qui font parler d'eux, mais c'est un peu noyé dans le flot. Après, le truc aussi, c'est que, ils se faisaient eux-mêmes leurs journaux, quoi, aussi. Enfin, ou alors ils écrivaient déjà dedans avant de créer ces trucs-là. Enfin, je sais pas, le journal d'anarchie qui a quand même eu un certain succès, bon, bah, à côté de ça, ils avaient cette manière de vivre-là, etc., comme ça, etc. Avec Le Monde, pendant plusieurs années, ils sortent un journal qui s'appelle Le Cubilo, et qui en fait, ça parle pas du tout du milieu libre, ça parle de ce qui se passe dans la région, etc. Le Libertaire, il y a beaucoup d'articles, mais il y en a plusieurs qui participent à la fois au milieu libre et qui sont en même temps, qui écrivent depuis plusieurs années au Libertaire. Donc c'est vrai qu'on a vite les journaux principaux, Libertaire, l'Anarchie. Les pauvres, les temps nouveaux, ils n'en parlent pas tellement. C'est grave, c'est vrai. Non, c'est grave. Oui. Quant à la santé, est-ce qu'il y a des de malus très répandus dans le milieu? Ben. Et deuxième question concernant, par exemple, de la scola, je connais qu'il y avait beaucoup d'expérimentations avec de l'art nouveau, de danse libre qui ont été mis au contraire du ballet, ou choses comme ça. Ils ont fait même une philosophie de l'art libre. Alors sur Malthus, oui, il y a pas mal de choses. Il y a le néo-malthusianisme à ce moment-là, et à la limite, ça pourrait presque entrer dans l'idée de réduction des besoins aussi. Enfin, il y a une propagande qui est assez forte à l'époque dans le fait de dire qu'il faut faire moins d'enfants, que toujours lié aussi à cette histoire de dégénérescence. D'ailleurs, j'avais une citation qui est pas mal là-dessus. Alors. Bon, alors par exemple, Lorulo et Émilie Lamotte, ils font pas mal de propagande dans ce sens-là. Ils font des brochures pour expliquer comment on fait pour pas avoir d'enfants. Ils diffusent des moyens de contraception et même d'avortement. Enfin, par exemple, dans une de leurs brochures, ils parlent de la procréation. Et ils disent « Les gens mariés dont la vilaine immorale engendre certes la laideur physique s'accouplent sans plaisir entre les draps sales de la légalité et du devoir. » Ils n'obéissent aux instincts naturels qu'avec répugnance et maladresse, et les rites alcooliques et brutaux de leur corps crasseux aboutissent sans hésitation à la procréation aveugle et irréfléchie, de nouveaux cuistres à la cervelle vide et à la science endormie. Donc voilà. Donc, le néo-malthusianisme, ça leur semble assez important. Enfin, pas pour tous, hein, mais quand même, il y a cette question-là qui est assez importante. Après, sur la question de l'art et de la danse, j'ai pas trop creusé la question, c'est vrai que ça serait intéressant. Par exemple, sur la danse, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de réflexions dans ce sens-là, par exemple, parce que dans le journal de l'Anarchie, on trouve pas mal d'articles, il me semble, critiques de la danse, mais c'est peut-être plutôt la danse dans les bals populaires, habituels, où les gens viennent plutôt pour se marier, ou je sais pas. Mais c'est vrai que je connais pas trop, enfin, non, je sais pas trop te répondre un peu là-dessus. Quoi. Mais ça vaudrait le coup de ouais. Oui, moi je voulais tout simplement dire mon point de vue là de lecteur de ton bouquin. D'une part, j'étais un peu gêné au départ, évidemment, comme tu l'as dit, par les fautes de frappe, disons. Mais ceci dit, c'est pas des fautes de frappe. Non, il faut en faire pas. Par exemple, celle qui m'a fait le plus rigoler, c'est le recueil dans des tombes. Et puis, quand même, c'est dommage que qualité des scans là soit aussi mauvaise. Oui, mais je sais, mais oui. Là, le éditeur était fort. Ouais. Bah, oui, mais. Plus l'aide photo de Victor Serre, on a un spectre, mais. Mais par contre, c'est un positif, alors, parce que c'est pas la mémoire de maîtrise, hein, parce que c'est de tenter de pour faire ça, c'est un bon boulot, ça. Ouais, c'était en un an ma maîtrise. Ah, non, attends, tu avais ça. Bah, après, je l'ai. Tu avais bûché avant, non? Non. En fait, j'ai trouvé mon sujet. Oui, ouais, Victor Serre, ouais, ça vaut le coup de. De juin à septembre de l'année d'après, quoi. Complet. Ouais. Ouais, ouais. Après, je l'ai un peu. Ça fait déjà 3 ans, quoi. Donc, je l'ai un peu relu, mais j'ai pas modifié énormément de choses. Après, maintenant, il y a un peu de temps. Moi, ce que j'ai appris aussi dans le fond, c'est que tu n'es pas, justement, pour toi, ce qui est à dire, que tu n'es pas mis en évidence le fait que c'était aussi en avance sur son temps. Parce que les idées qui sont lancées, en avance sur son temps, c'est-à-dire qu'actuellement, justement, ce que tu soulevais, alors, ils sont en train, les gars, de redécouvrir ce qui était dit en 1900 d'une manière très, très claire. Mmh. Après, je ne sais pas si c'est en avance sur son temps ou si c'est nous qui avons toujours l'impression de faire des choses nouvelles, quoi. Enfin, pourquoi ça? Mais non, bah, parce que... non, parce que... bah, moi, j'ai pas l'impression qu'il soit enfin, j'ai pas forcément l'impression qu'il soit en avance, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont assez... Enfin, je sais pas, ils sont bien insérés dans ce qui se passe autour d'eux. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais par exemple, tout ce qui est végétalisme, les questions de santé, etc., il y a quand même un discours ambiant sur la dégénérescence. Sur la dégénérescence. Justement, c'est pas que les anarchistes qui ont ce discours-là. Donc ça m'étonne pas qu'à ce moment-là, ils aient fait attention au corps, ou même à l'individu, etc. Et donc, ouais, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça étonnant, c'est que dans beaucoup de discussions maintenant ou de choses qu'on va faire maintenant, on a toujours l'impression qu'on découvre des choses nouvelles. Alors qu'il y a des... Ben, ça ne veut pas dire qu'il faut être toujours dans le relativisme ou être blasé, mais il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement, quoi. Bon, simplement, ça n'a jamais été énoncé d'une manière aussi claire avant, historiquement. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est pas un hasard. Actuellement, les gens actuellement redécouvrent l'antispécisme et plein de trucs qui était dit d'une manière très claire à cette époque. Comme tu vois, les mecs d'avant d'Agnon qui, à la vente de se faire zigouiller, disent je ne me le connais ce point, ou qui dépensent leur argent pour lâcher des oiseaux dans la nature, c'est quand même impressionnant. Alors que maintenant, les gars qui se revendiquent de ça ne savent pas du tout que c'est d'origine anarchiste. Sur le naturisme, si on pourrait dire la même chose. On va prendre des tours de parole parce que. S'il vous plaît, non, moi c'était simplement un problème éditorial. Il se trouve que moi j'ai été correcteur, alors c'est pour ça que je peux parler d'un sujet des corrections. En ce moment, vous avez le document original sert à faire une disquette, et la disquette, il y a une lecture optique qui va directement chez l'imprimeur. C'est-à-dire que l'imprimeur reproduit ce qu'il y a sur le disque. C'est-à-dire qu'on relit avant au lieu de relire après. Avant, lorsqu'on imprimait un livre, on relisait la première épreuve, la deuxième épreuve, la troisième épreuve, la tierce, comme on appelait. À moyen d'emploi, c'était un bon assez on imprimait. Maintenant, on imprime directement par rapport. Si vous tapez votre texte, si vous faites un autre livre, vous tapez un texte en caractère platon, parce que là, vous n'aurez aucune erreur. Et la lecture optique de votre texte, il sera conforme à votre origine. Dans la prochaine fois, oui, je vous osserai plus le truc avant de l'envoyer, mais. Oui. Alors, j'ai 3 petites questions. Est-ce qu'on a une idée des milieux sociaux et puis issus ces personnages divers et variés? Ensuite, est-ce qu'il y avait une existence de groupe avant d'aller dans une communauté? Ou alors, est-ce que c'était des appels à travers un journal, on veut monter une communauté, joignez-moi à telle adresse? Donc, est-ce qu'ils existaient autrement avant? Et enfin, est-ce qu'il y avait des jeux dans ces milieux? Est-ce qu'ils jouaient? Alors, la première question... première question, le milieu... on arrive quand même à avoir quelques indications du travail qu'il pouvait avoir. J'avais fait un tableau, en gros, il y a pas mal de typographes. Et après, on trouve pas mal de petits artisans, cordonniers... j'ai plus les noms qui viennent. C'est quand même ce milieu-là. Après, c'est comme beaucoup d'anarchistes, je crois, de cette époque-là, on peut dire ça, quoi. Des petits artisans, c'est ça, principalement, quoi. Typographes, cordonniers, il y en a énormément. Et après, pour les femmes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a pas mal, il y a des institutrices, les sœurs Mahé, Émilie Lamotte... Et un autre truc, bon alors il n'y en a pas tant que ça, mais après par exemple Sofia Zajkowska, elle à la base elle vient de Pologne, enfin, c'est plus là, enfin bon. Et elle passe par Genève où elle fait des études de sciences et après elle arrive à Paris. Donc voilà. Ça c'est la filière des linguistes. Oui, c'est ça. Alors là c'est Sylvie. Oui, oui. Vera Zazoulou, ouais. C'est donc elle. C'est ça. Et Est-ce qu'ils existaient avant? Alors, est-ce qu'ils existaient avant ils ont pas tous, ils se forment pas tous de la même manière. Par exemple, le milieu de Vaud, enfin, il crée d'abord une association. On a l'impression que c'est un peu, soi-disant, c'est tiré au sort. Après, c'est aussi plus ou moins ceux qui, j'ai l'impression, qui avancent un peu plus dessous. Je n'avais pas l'impression que. Bah, ça aussi, j'ai l'impression que c'est une question qui arrive petit à petit. Parce qu'au début, on fait plutôt ça par tirage au sort ou par article dans les journaux. Et après, il arrive le fait que. Je crois pas qu'ils l'utilisent par affinité, j'ai un doute là-dessus. Mais après, il y a cette idée-là qui apparaît quand même. Qu'il vaut mieux faire ça avec des gens avec qui on se connaît. Et d'ailleurs, si, il y a quand même l'exemple de la Corse où là, ils essayent de travailler, de vivre ensemble tout en travaillant à côté avant de fonder le milieu libre. Donc, ça dépend des endroits. Et puis, au journal L'Anarchie, là, vu que c'est pas du tout un milieu libre, ils vivent. Et la troisième question sur le jeu, alors c'est dans le sens où jouer, on arrête de travailler le champ, on arrête de monter la maison. Oui. Alors déjà, bon, il y a déjà quand même l'idée que, par exemple, on a par rapport au travail, que le travail, ça, il faudrait que ça devienne un peu un plaisir. Quoi. Ouais, c'est pour ça que je dis, à part le travail, parce que. Bon, il y a toutes ces idées-là sur le travail papillonnant, voilà, travail. Ouais. Qui ressemble un peu à ce que disait Fourier. Et après, oui, il y avait par exemple les moments où là ils chantaient. Là-dessus, on a un peu plus de description pour Aiglemont, où ils aménagent la maison, ils font des fresques au mur, et donc ils se retrouvent le soir, je sais pas, après au niveau des jeux. Ça, c'est intéressant parce que en fouillant dans les archives, j'avais trouvé un article sur le sport et c'était assez amusant parce que c'était une critique du sport, de dire ça c'est vraiment un truc de bourgeois parce que nous on fait déjà un travail manuel toute la journée, donc le sport, et d'une part c'est un truc de bourgeois et d'autre part c'est vraiment pour nous occuper à autre chose quoi, pour nous divertir et puis pour faire en sorte qu'on s'occupe pas de notre émancipation ça. Je voudrais revenir sur, juste avant ces questions-là, le débat qui était amorcé. Moi, je réagis donc à ton exposé parce que je n'ai pas lu le livre encore. Mais en tout cas, je trouve absolument passionnant ce genre de boulot parce qu'on a trop de choses sur la question. Moi, rien qu'à t'écouter déjà des tas de choses. Mais je voudrais insister sur un aspect que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire. Pour faire l'application, je crois, le végétalisme ou le végétalisme. Tu disais que ce n'était pas spécifiquement un art parce qu'il y avait une problématique générale qui dépassait les anards à l'époque. Mmh. Bon. Alors, à ma connaissance, oui, c'est vrai, il y a une problématique générale qui dépassait les anards à l'époque, mais à ma connaissance, il y a bel et bien une façon anarchiste de penser ces choses-là. Et je le dis parce que un jour, il y a un mec qui m'a joint parce qu'il avait besoin d'informations sur l'anarchisme, il était en train de faire une thèse sur l'introduction en France du végétarisme. Mm-hmm. Et il me joignait parce qu'il venait de s'apercevoir que les anars avaient un corpus de pensée spécifique à l'ensemble du mouvement végétarien qui leur était propre et qu'ils étaient le seul groupe, entre guillemets, en termes d'émancipation, à en avoir un. Mm-hmm. Donc ils avaient été très actifs, tu vois. Donc, oui. Ce sont des soucis plus globaux à la société, mais les anards, tant pis pour le cocorico, ont réellement apporté une pensée spéciale là-dessus, et idem pour le néo-malthusianisme. On a toujours dit, bien sûr, néo-malthusianisme est très largement extérieur aux anards, féminisme et blabla. Et ben, c'est tellement extérieur aux anards que maintenant les gens qui étudient ça s'aperçoivent qu'il n'y a que les anards qui étaient les premiers à formuler le fait que mon corps m'appartient et en fonction de quoi j'ai le droit de prendre un certain nombre de mesures. Donc, je trouve que c'est intéressant de remettre les pendules à l'heure. Oui, oui. Non, maintenant, oui. Moi, je serais demandeuse que tu pousses ton travail plus loin, non pas sur la monographie de ces communautés, mais sur le corpus individualiste, c'est-à-dire la pensée. Parce que tu nous appâtes avec des idées, des directions, des, tu vois, que je trouve tout à fait passionnantes, mais à mon avis, devrait avoir. Il y en a plus loin, parce que je pense que c'est un vrai corpus, le corpus individualiste. Les gens n'existent pas les choses par hasard. Oui, oui. Ben après, moi, en fait, justement, je pense que ça, j'ai fait ça pour ma maîtrise. Et, ouais. Et je suis partie vraiment d'une pratique, quoi. Et j'ai tout découvert à ce moment-là. Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire du côté individualiste au niveau de la pensée, etc. De tous les autres, justement, végétalisme, néo-malthusianisme, féminisme, je pense qu'il y a aussi des choses à dire là-dessus. Parce que, enfin, bon, voilà. Et l'autre truc qui me semble important, il y a quand même ce truc-là, de quand je dis qu'ils sont dans leur temps. C'est parce que je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir voir eux ce qu'ils ont apporté spécifiquement et de pas de voir ce qu'il y avait quand même autour d'eux, quoi. C'est plutôt ça, moi, ce que je veux dire. Ça veut pas dire qu'ils ont fait ça comme beaucoup d'autres, quoi. C'est plutôt de se rendre compte à quel point ils étaient dans la société de leur époque et de voir ce que spécifiquement ils ont fait. Et là-dessus, je pense qu'il y aura aussi pas mal à faire sur le côté plutôt... enfin, moi j'ai l'impression un peu au niveau local, par exemple... quand on essaie de voir quelle profession ils pouvaient avoir, mais je pense même dans quel quartier ils étaient implantés, etc. Moi, je pense que là-dessus, il y aurait pas mal à faire aussi, quoi. Enfin, bon, parce que, par exemple, moi, je trouve ça un peu dommage, il y a beaucoup de... par exemple, dans les autobiographies, je pense à Henri Michaud, c'est plutôt pour l'entre-deux-guerres, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, là, j'avais 20 ans, où il raconte un peu sa vie. Et là, on découvre les différents milieux dans lesquels ils passent, on mesure plus à quel point les anarchistes pouvaient être vraiment là, quoi. Enfin, ils étaient présents sur un tas de choses, des grèves localement, ils avaient des ateliers, etc. Et on ne voit pas forcément, je trouve, quand on travaille sur quand on travaille sur des personnages ou sur les idées. Enfin, si, on peut le faire, quoi, mais c'est pas toujours le cas. Enfin, par exemple, je pense au travail sur Jeanne Imbert, qui avait été fait par Francis Ronsin. Enfin, là, c'est génial, parce que je trouve qu'on... on suit, bon. Donc moi, j'aimerais bien continuer à faire des choses là-dessus. Mais moi, je voulais intervenir sur la question des enfants, parce que dans ce groupe, je ne sais pas comment je peux dire, il y avait un certain nombre d'enfants, et évidemment, d'ailleurs, tu vois aussi des initiatives, des codes de la terre, à mon avis, ce sont quand même deux expériences à relier. Parce qu'en fait, dans ces colonies, il y avait beaucoup d'institutrices, des femmes qui s'impliquent, qui ne sont pas seulement des compagnes, plus ou moins, souvent c'était moins que plus libertaires de ceux qui se sont associés. Il y avait donc des éléments très actifs, et j'aimerais savoir quand même, si tu peux dire un petit peu plus, ce qu'on peut savoir de la manière dont les enfants étaient, je dirais, pris en compte dans le groupe social. Ouais, en fait, de toute façon, dans ce que je raconte un peu, moi je m'étais pas mal intéressée à S'enfuir et à La Ruche parce qu'il me semblait qu'il y avait une filiation qui était assez claire, dans le sens où Robin et Sébastien Faure, Enfin, pour eux, c'était déjà des espèces de micro-sociétés libertaires, mais juste avec des enfants. Sébastien Faure, il le dit parce qu'il pense qu'on ne peut plus changer l'individu. Alors, je ne sais plus, il donne une date, je ne sais plus à partir de quel âge, mais en gros, donc il pense qu'il faut faire des choses avec les enfants. Et donc, les milieux libres, c'est un peu dans la continuité. Enfin, on retrouve toujours l'idée de... Il y a l'idée de l'éducation, et il y a aussi toujours la propagande avec l'impression. Enfin, c'est deux axes qui reviennent vraiment. Et donc, sur l'éducation... en gros, ils sont bercés par les idées de ce moment-là, dans le sens où ils commencent à critiquer l'autorité du père, ils considèrent qu'il faut détruire la famille, et donc il y a l'idée de créer plutôt une famille fraternelle, donc il y a toujours cette idée que dans chaque milieu libre, il faut qu'il y ait une école libertaire, en allant parfois un peu plus loin, en disant qu'en fait, c'est déjà pas mal que les enfants vivent avec les adultes et qu'ils participent à leurs activités quotidiennes. Après, il y a quand même... Je pense par exemple à ce qui a été fait plutôt dans les années 70, où on remet en cause carrément l'idée d'éducation, ce qui est pas vraiment le cas à ce moment-là. Là, on a quand même toute une critique pour dire on va pas non plus leur asséner une éducation du libertaire dans le sens où on va leur expliquer les patrons sont des ennemis, les curés aussi, il faut détruire l'État. parce que ça serait leur inculquer quelque chose aussi. Oui, enfin que voilà, ça revient. Donc c'est de nouveau une propagande et qu'il faut surtout aiguiser leur esprit critique. Moi, ce qui m'avait surpris, c'était le fait qu'il y avait quand même l'idée d'en faire un peu des rebelles. Enfin, je trouvais assez amusante. Il faut leur apporter un esprit critique, mais après, ça serait bien quand même si c'était des rebelles qui puissent se révolter à l'avenir. C'est les hommes du futur, donc il faut qu'ils soient capables de reprendre le flambeau et de faire la. Enfin, voilà. Et après, au niveau on retrouve différentes choses, parce que c'est vrai qu'il y a ces femmes qui sont institutrices, les sœurs Mahé et Émilie Lamotte notamment, elles ont écrit quelques trucs sur l'éducation libertaire. Et moi, je trouvais ça assez intéressant aussi, parce qu'elles commencent à remettre en question aussi l'importance du père, parce que ce qui est très présent à ce moment-là quand même chez les anarchistes, c'est aussi de dire que la femme c'est un peu l'ennemi. Je crois que c'est le rouleau qui a dit que c'est l'ennemi de la révolution, parce que elle est éduquée par les curés, et donc elle fait des soldats, enfin elle crée des futurs soldats et tout ça. Et par exemple, c'est une des sœurs Mahé qui insiste sur le fait que le père, il a un rôle aussi à jouer dans l'éducation, que par son côté viril, etc. Donc elle remet bien les choses en place en disant que c'est les deux qui sont, enfin les hommes et les femmes qui sont responsables. Après on sait qu'il y a des enfants. J'ai l'impression que de temps en temps, bon après ça dure pas très longtemps cette expérience-là, donc ça. Bon, j'ai l'impression qu'il y a les enfants de ceux qui vivent là, et de temps en temps il y a des enfants un peu extérieurs qui viennent. Par exemple, à Saint-Germain-en-Laye, Émilie Lamotte, elle fait l'école pour 6 enfants. Bon, il y en a 4 qui sont à elle, mais voilà. À Vaux, ils essayent aussi de monter une école libertaire pour accueillir les enfants des camarades et tout ça, mais je ne sais pas si ça a vraiment pris forme. Et pareil, au journal L'Anarchie, les sœurs Maëlle veulent monter aussi une école, mais ça ne se fait pas vraiment. Donc voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu. Enfin, je suis un peu partie dans... Oui, alors... Déjà une chose qui s'adresse à tout le monde, parce qu'il est 6 heures et que la tradition on établit, c'est qu'on va au restaurant après, en général, et qu'on invite la conférencière, partageant la poseuse. Alors, Olivier, par exemple, on a touché moi la dernière fois, quels sont les candidats que je puisse téléphoner au restaurant pour les heures. J'accepte tous les moyens de paiement, même en nature. C'est pas sûr, remarque. Bon, et puis ma question maintenant. Alors, on en est à 5, 6, ouais, ça va. Il y a la place pour ça. Bon. Oui. Ensuite, ma question, c'est un peu... Je me demande s'il n'y a pas un effet de leadership, je pense que oui, c'est mon opinion, dans ce genre d'entreprise vers la communauté, que ce soit la Cécilia avec Giovanni Rossi, que ce soit Aiglemont avec Fortuné Henri, et puis d'autres, et que ce soit un petit peu un recrutement, c'est ce que dit Isabelle un peu là-dedans, ils revenaient en Italie pour recruter des nouveaux membres pour la communauté, etc., parce que ceux qui devaient venir n'étaient pas venus finalement. Et voilà, donc c'est un peu ça. Tu n'as pas remarqué ce genre de leadership? Oui, si. Leadership dans le sens où il y a des têtes qui ressortent et puis ils sont toujours en train de recruter des gens, c'est ça que tu veux dire? Oui, si, carrément. Après, de toute façon, pour chaque expérience, on a un ou deux individus qui ressortent. Après, moi, ce que je trouvais pas mal de souligner, c'est que de ce qu'on avait déjà fait là-dessus ou quoi, on a tendance à toujours mettre en avant, et moi aussi je pense que je le fais, un individu. Alors forcément souvent c'est un homme, c'est Fortuné Henri, c'est Libertad, c'est Lorulo, etc. Et après, je pense que plus généralement, ils étaient au moins deux ou trois. Par exemple, à Aiglemont, c'était Fortuné Henry et Mounier, André Mounier, il s'appelait. Et donc, ils faisaient pas mal tourner le clip tous les deux. Mais bon, par exemple, Fortuné Henry, c'est amusant parce qu'il fait un article à un moment en râlant qu'on le propose toujours en fondateur du truc, quoi. Alors que lui, c'est une entreprise collective, et tout, etc. Après, c'est vrai que c'est lui qui fait la propagande, qui a écrit la brochure pour, et qui va chercher de nouveaux membres, etc. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un truc qui revient tout le temps. Et de toute façon, y a toujours ce moment où on leur reproche à ceux qui ont créé le milieu libre d'être autoritaires. Et il y a la même chose à Vaux avec Georges Buteau et Sofia Zaïkovska. À un moment, ils se font exclure parce qu'on les accuse d'autoritarisme. Bon, ils finissent par revenir. Bon, après, moi, ce que je trouve intéressant, toujours dans ce genre de choses, c'est qu'il y a une réflexion là-dessus et qu'ils essayent d'avancer dans le sens où ça serait un peu plus... Enfin, où il y aurait moins des têtes qui... Bon, après, c'est pas évident. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi. Mais après, le fait que ça se vide progressivement, parce que c'est vrai qu'ils arrivent parfois à être une vingtaine, et puis au bout d'un moment, il y en a qui partent, il n'y en a pas toujours beaucoup qui reviennent. Donc, ça finit toujours par retomber pour différentes raisons. Hein. Il n'y a pas que le fait que les gens s'en aillent, mais il y a toujours les querelles. Et que c'est vrai que quand ceux qui ont créé le lieu s'en vont, depuis le début de la soirée, pardon. Il y a des autres ordres, je les note. Oui, donc tu auras droit à la parole tout à l'heure. J'ai droit à ma parole. Non, mais tu vas l'avoir, mais attention. Non, mais moi, je m'étais inscrit. J'ai l'habitude, je n'ai pas pensé que... Moi, je m'étais inscrit. Donc, il y a le thème de l'amour libre qui revient souvent. Bon, c'est vrai que dans les revues individualistes, il y a beaucoup d'articles là-dessus, et dans les milieux libres, est-ce que ça a été mis en pratique et comment? Dans les vidéos, tu connais la presse que tu as pu lire. Ouais. Alors. Ouais, évidemment, c'est toujours beaucoup théorisé, en le sens où, oui, l'amour libre, lutter contre la propriété. Moi j'ai l'impression qu'ils ont surtout pratiqué l'union libre. Après, ouais. C'est plus facile que de lutter contre la propriété. Alors ça, je suis pas persuadée. Hein. Non, non. Je crois pas. Non. Non, justement, je pense que ça, il y a certains milieux, il y a l'exemple de la Corse où il y a un des compagnons qui se barre avec la copine d'un autre. Bon, on sait pas comment on s'appelle d'ailleurs, mais bon, enfin, et donc voilà, ça, l'autre finit par partir tellement il est triste. Enfin bon, donc ça fait que ça tombe à l'eau. Hein. Il écrivait dans les journaux, ça. Ouais. Mais des fois, oui, on a vraiment les commérages. Ah, oui. Après, ce qui est quand même intéressant. C'est que on n'arrive pas exactement à savoir. Évidemment, il y a les rapports de police, mais on n'est pas sûr que ça soit. Oui, ils les décrivent. Ah, bah, je crois que là aussi j'avais. Ouais. Je crois que c'est le rapport de police. Page 2. Oui, après. Je l'ai pas là. Mais en gros, bon, il y a un rapport de police où ils décrivent les gens, les anarchistes de la rue. Chevalier de la Barre, donc du journal de l'anarchie, et donc qui pratiquent l'amour libre, qui sont chevaliers. Enfin, je suis pas sûre que c'était. Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de fantasmes. Bah, comme à chaque fois, quoi, le communisme des femmes, l'amour libre, même pour la Cécilia, hein, c'est ce qui a fait parler beaucoup de la Cécilia dans les journaux en France. À partir du moment où ils parlent qu'il y a des tentatives d'amour libre, tout de suite ça fait parler. Mais bon, il y avait quand même des pratiques qui devaient être. Qui était assez... Alors, original, je sais pas, parce qu'après, peut-être que ça se pratiquait aussi en dehors des groupes anarchistes, mais par exemple, bon, il y a l'histoire de Libertad. Ça, je sais pas à quel point c'était vrai, mais ça tournait pas mal. Enfin, ça, c'est sûr, hein, au journal de l'anarchie, on a toujours du mal à savoir qui avec qui. Enfin, bon, ça a l'air de... Et après, est-ce qu'il était vraiment avec les deux sœurs Maë en même temps? Ça, je sais pas. Bon. Après, par exemple, il y a l'histoire de Georges Buteau et Sofia Zaïkovska, et qui, dans les années 1910, ils rencontrent Victor Lorinck, Et Zaïkovski, elle raconte qu'ils ont vécu un amour plural et que ça les a rendus vraiment heureux et ils ont fait le bonheur autour d'eux. Et d'ailleurs, c'est tragique parce qu'ils meurent l'un l'autre assez rapidement et elle se retrouve toute seule. Et... Donc, sur cette question-là, c'est assez difficile à dire. Après, ça suscite énormément de questions parce que il y a quand même beaucoup de femmes qui disent que l'amour libre, c'est quand même pas mal, ça vient pas mal des hommes, quoi. Qui en gros, il y a toujours un manque de femmes. Ils nous parlent toujours de ça dans les milieux libres, etc. Et donc, ça sera un bon moyen quand même de pallier à ce manque-là. Et donc, il y en a certaines qui sont un peu outrées parce que, en gros, elles disent qu'on s'intéresse à la femme dans les milieux anarchistes que si elle est jolie et que. Voilà. Et on s'intéresse qu'à son émancipation sexuelle et le reste, pas autant. Bon, après, c'est ah, ça aussi, ça évolue. Et puis, par exemple, au milieu libre, à la PIS et dans la banlieue parisienne, là, on en vient à dire qu'il faut qu'il y ait, par exemple, un partage des tâches, que les femmes se mettent les pieds sous la table pendant que les hommes sont en train de faire la cuisine. Bon. Mais donc la question de l'amour libre, c'est loin d'être évident. Après, il y a aussi des femmes qui assument clairement cette histoire d'amour libre et puis qui passent à autre chose, quoi. Zaïkovska a dit, elle le dit très bien, qu'elle, ça l'énerve qu'on fixe les femmes sur l'histoire de l'amour, quoi. Alors légaliser ailleurs, libre chez les anarchistes, mais n'empêche qu'on les fixe là-dessus. Et donc, c'est un sujet parmi d'autres et puis il faut pouvoir passer à... Oui, pour l'amour libre, là, évidemment, tu l'as dit dans le bouquin, et tu l'as dit bien maintenant, là, que c'était un problème dans les milieux de vie, mais de notre côté, c'est ce qui fait qu'assurer la pub, parce que ça excitait beaucoup l'attention des gens, et ça, aussitôt qu'il y avait un petit truc là-dessus, ça remuait beaucoup. Par contre, je trouve que tu le dis mieux dans ton bouquin que tu l'as dit tout à l'heure, là, l'histoire des activités ludiques, des jeux, etc., c'était un deuxième facteur de problème dans les milieux de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que le travail. Donc il y en avait certains qui disaient ça devait être un plaisir, et donc ils le faisaient quand ils avaient envie, et puis il y avait d'autres qui disaient non, on est responsable et on doit s'emmerder à faire le boulot, et ce qui fait qu'il y avait, comme dans toute société anarchiste, et société tout court, il y avait des parasites qui exploitaient les autres. Hein. Et donc ça venait continuellement, ça tu le dis bien dans le bouquin, mais tu l'as bien dit à l'instant, ça a mené des tas d'histoires parce qu'au bout d'un moment, il y avait qui disaient généralement de travailler pour les autres. Hein. Alors qu'il y en a qui restent toujours la bulle en disant c'est l'anarchisme. Donc, ça, c'est un problème. Un deuxième point aussi, que tu n'as pas soulevé dans le bouquin ni maintenant, mais qui me paraît intéressant, qui revient au problème là, l'actualisation de l'individualisme, c'est que le replacer dans l'histoire de l'anarchisme. C'est-à-dire qu'à l'époque, bon, ça, on s'aperçoit bien, d'ailleurs, tu l'as bien dit dans ton bouquin, tu le dis bien comme ça, que le procès qui était fait aux anarchistes individualistes, qu'ils soient uniquement dans leur petit truc, qu'ils ne laissent pas la révolution, est complètement faux. Tu vois bien Libertad, il a d'abord d'ailleurs fait casser la figure. Et puis ils considéraient, eux, que c'était une propagande par le fait, comme tu as dit, c'est tout à fait important. Et par contre, maintenant avec le recul, avec l'évolution des choses, l'individualisme a disparu parce qu'il a été débordé, si je puis dire, par le communisme anarchiste. Au départ, c'était lié les deux. Il n'y avait pas de séparation. Et puis on a décidé qu'on opposait anarchisme individualiste à anarchisme communiste. Et puis maintenant, avec le recul, je dirais que ce qui a le moins mal vieilli, c'est l'individualisme, parce que ça reste dans l'esprit des gens, et ça a même été redécouvert par des tas de gens qui ignorent totalement ces histoires. Bah ouais. Je suis d'accord. Bon, Thierry, alors. Je suis encore étonné de questions. Pour l'anecdote sur l'amour libre, Jean Grave, qui ne voulait pas du tout, c'est l'individualiste, il disait que Libertad, il avait une activité sexuelle énorme juste à son infirmité, et il bavait aussi. Il était jaloux. Si j'étais jaloux. Moi, je sais pas, mais il y a des espions partout. De toute façon, d'ailleurs, Jean Grave, des fois, il a des discours qui sont proches de ceux que de la police, hein, de dire que c'était des bah, bon, oui. Il n'a jamais été à une connerie. Alors moi je voudrais savoir aussi s'il y avait des liens entre ces communautés et s'il y avait des liens internationaux. Est-ce qu'on a des traces d'aujourd'hui ça. Entre les différents lieux, oui, de toute façon c'est dans un même mouvement, donc à chaque fois, même il y a des histoires entre eux, par exemple entre celle qui se crée dans l'Aisne et puis ensuite dans les Ardennes. On reproche à Fortuné Henri d'avoir voulu effacer l'autre avec sa personnalité, parce qu'au même moment, ils ont des histoires avec les libertaires. Donc en fait, oui, il y a des tas de liens, et puis c'est des gens qui se connaissent, hein, qui se fréquentent par ailleurs et tout ça. Donc ouais. Après, au niveau international, alors, j'essaie de me plonger un peu là-dedans, parce que là, je suis en train de regarder un peu du côté des colonies anarchistes. Donc là, l'idée de partir à l'étranger, tout ça. À ce moment-là, de toute façon, dans les milieux anarchistes, il y a quand même pas mal de liens un peu partout, ne serait-ce que parce que, à cause de la répression, ils sont dispatchés à différents endroits, et donc, il y a quand même plein de liens, ne serait-ce qu'au niveau des revues, ils reçoivent des tas de revues de partout. Après, c'est un énorme sujet, Il me semble que ça circule, mais ça circule individuellement, si je peux dire, pas en groupe, tu vois, parce que par exemple, moi, un fait dont j'ai eu connaissance, c'est que Robert Duncan, et vous adorez hein, Duncan, je parlais de la danse tout à l'heure, Robert Duncan, qui donc était, lui, un végétariste, et qui prenait la révolution, d'après ce qu'on m'a raconté, par des blondes, c'est-à-dire par l'habit et les sandales qui s'habillaient à la grecque, et il a traversé la France parce que, entre les deux guerres, donc plus tard que la période que tu as toi examinée, entre les deux guerres, il y avait encore plein de ce milieu, il y avait plutôt, il y avait tout un tas de trucs, et ils allaient d'un endroit à l'autre, donc ça circulait. Donc Robert Duncan, par exemple, était un mec qui était célèbre dans le milieu anar pour se déplacer avec ses noix d'un côté et son péplum de l'autre pour promener la révolution par les sandales, tout ça. Donc je pense que c'était surtout des... Hein? Non mais c'est vrai, il portait les sandales, les pieds nus, il avait une théorie sur le costume, tu sais. Donc je pense que c'est des individus qui circulaient selon les besoins, quoi, leurs besoins, quoi. Et donc ça brassait quand même un peu. Isadora, je ne sais pas si elle a jamais été en France, mais en tout cas... Il me semble qu'ils sont passés à vous et Bascon. Hein? Elle a été en France. Il me semble qu'elle avait passé à Bascon, oui. Isadora aussi. Vois, voilà. En tout cas, les individualistes français la connaissaient. Un autre exemple pour ces histoires de passage, il y a par exemple, parce que déjà dans les années 1910, il y en a un certain nombre qui partent par exemple à Tahiti. Voilà. Et donc il y a notamment Darling. C'est à quelle époque Tahiti alors ? C'est à quelle époque qu'ils partent à Tahiti ? Ouais. En tout cas, il y a Dufour, c'est dans les années 1912. Mais après, je pense qu'ils ont des liens avant parce qu'il y a Darling. Donc Darling, c'est l'homme nature dont parle Jack London dans La croisière du Snark. Lui, il est déjà en lien avec Zivi dans les années 1902. Et lui, il vient à une réunion des naturiens, et il vient parler de Tahiti, dire que c'est super, qu'il faut aller là-bas. Et... Parce que moi, j'ai des descriptions entre les deux guerres de l'homme de Tahiti qui vient en France, chez les Anars, et qui a vécu d'une serpillière, qui a des os entre les doigts pour les tenir écartés. Les anarchistes vont voir sur la plage de Nice, et lui, il venait de Tahiti, ce truc-là. Dans l'entre-deux-guerres ? Ouais. C'est pas Darling alors, c'est un autre. Mais Tahiti, c'est intéressant parce que il y en a eu quand même plein des hommes nature, hein. Même sur les ouvrages généraux sur Tahiti, on entend parler. Hein. Et donc, un certain nombre d'anars qui sont partis là-bas et qui se baladent. Sur l'internationalisme, peut-être, moi j'ai l'impression qu'on le voit moins avant la première guerre, mais pendant l'entre-deux-guerres, quand on regarde les journaux. Oui, c'est autre chose, mais je trouve que c'est on le sent de manière beaucoup plus forte. Par exemple, le fait que par exemple ils cherchent encore à créer des colonies anarchistes, il y en a un certain nombre qui partent, qui racontent comment ça se passe là-bas. Donc c'est assez intéressant parce que je vois qu'il y a des descriptions, des lieux, comment est-ce qu'on pourrait s'installer, etc. Donc oui, c'est toujours des gens qui se baladent. Mais en fait, à ce moment-là, c'est un peu différent de l'internationalisme, mais c'est plutôt sur le fait que à ce moment-là, ils cherchent pas tant à partir à l'étranger. Dans l'entre-deux-guerres, c'est vraiment très important. Là, ils sont encore dans l'idée qu'on peut faire des choses là où on est, quoi, et donc on s'installe là. Liliane ? Alors moi, je peux parler de deux choses totalement différentes. La première, c'est que durant tout le temps que tu as parlé, j'ai cherché à me rappeler le nom de quelqu'un qui avait créé une communauté. Ça m'est revenu, c'est Owen. Ah oui. En Angleterre. Je voulais évoquer les socialistes de l'utopie aussi, qui avaient des idées déjà très avancées sur le problème. Owen n'a pas réussi d'ailleurs à finalement sa communauté à foirer, je ne sais plus pour quelle raison, mais elle a quand même fonctionné pendant un nombre d'années. Quant à l'éducation, je voulais parler des livres enfants de Sudbury, que tout le monde a sans doute entendu parler. Et je terminerai par l'Union Libre. Je l'ai vécu avec un anarchiste, mais qui avait oublié de me dire comment ça pouvait fonctionner. Donc, j'ai été prise de court et j'ai vécu comme la plupart des femmes et l'autre femme aussi. On a réagi avec une jalousie des deux côtés et un drame, ça s'est terminé par quelque chose d'atroce. Et je pense que cette union libre, elle peut être pratiquée que dans amour libre, que dans la mesure où les gens sont consentants, savent bien de quoi il s'agit, parce qu'on a des sentiments humains, on travaille depuis des millions d'années, et c'est difficile de tout effacer, je pense, d'une génération à l'autre. Mmh. Voilà. Bah, la jalousie, c'était un thème... Un peu sur la jalousie. Ouais. Bah, la jalousie, c'est ça. Il y a pas mal de... On trouve pas mal de textes là-dessus, la jalousie. Ils le disent bien, c'est que même s'ils ont des tas d'idées, ça, enfin, ils vont pas y arriver. Enfin, ils sont encore humains, quoi. Donc la jalousie, c'est pas comme ça. Oh, voilà. Plus. Par rapport à ce que tu par rapport tout à l'heure, on a c'était Pierre qui disait que les milieux libres sont arrivés là, mais c'est vrai que ce que dit Liliane, mais les socialismes utopiques, c'était on peut dire que c'est quand même la continuité, non? Ouais, ça aussi, j'avais un peu regardé, j'ai pas forcément beaucoup creusé, mais je pense, même Fourier, Owen Fourier, considérant. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu une influence. D'ailleurs, à tel point que parfois, quand on parle d'un milieu libre, on parle d'un phalanstère. Enfin, dans certains articles, on trouve le mot. Donc, après, je crois que c'était vraiment des pratiques. Enfin, c'est pas une pratique nouvelle. Et donc, il y avait des tas de choses qu'ils connaissaient déjà. Moi, j'aimerais bien savoir exactement à quel point il y a des liens. Ça, c'est compliqué. De toute façon, je crois que c'est une pratique qui était dans les têtes. Et il y avait ces histoires des socialistes, ouais, l'utopie, mais il y avait aussi les communautés religieuses, mine de rien. Enfin, au début, moi, je m'étais dit, non, c'est pas possible, ça les a pas... Moi, je me disais, c'est des anarchistes, donc non. Et en fait, je pense que ça a eu pas mal d'impact aussi. Enfin, d'impact. Que c'était des expériences qui étaient connues et que ça a pu avoir une influence. Bon, enfin, bah, bon, Oneida... Armand, il était au départ chrétien. Bah oui, justement, ouais. Quand même. Bah oui, oui. C'est tolstoïen, bah oui, c'est pour ça. C'est pas très fort aussi. Oui, mais clairement, il était anarchiste chrétien et il portait de la tendance Tolstoï, je l'ai vu. Mais ça, je pense que ça mériterait. Ça, c'est une question qui mériterait d'être creusée, quoi, Tolstoï. Bah oui, oui, bien sûr. Christianisme et anarchisme. Après, le truc, c'est que. Il y a une femme célèbre, une socialiste, dont j'ai fait une maîtrise sur elle, c'est Flora Tristan, elle était chrétienne. Mais qu'est-ce qu'elle a fait comme travail ? Après, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les socialistes utopiques, comme pour les... Enfin, bon, ils reconnaissent qu'ils se placent dans la lignée. Il y a une phrase de Fourier qui dit qu'ils viennent après Owen, Cabet, Mort, etc. Mais que, sauf que maintenant, eux, c'est quand même des anti-autoritaires. Donc, ils critiquent le fait que tous avaient des systèmes bien réglés, bien cadrés, et que eux, c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et qu'en plus... Et il critique aussi le fait qu'il y ait un chef d'école, en gros, et quelqu'un qui est pensé pour les autres. Du coup, pour les communautés chrétiennes, je pense qu'ils les connaissent. Et c'est marrant parce qu'Armand, dans son fond d'archives, bon, c'est plutôt dans l'entre-deux-guerres, hein, mais il parle... Enfin, il y a des notes comme ça où il parle des communautés. Il dit, par exemple, les Doukhobors, ils y arrivent. Pourquoi nous, on n'y arrive pas, quoi. Oui. Il y a une brochure spéciale là-dessus. Ah, mais oui, mais dans son journal, on trouve des articles sur les Doukhobors très régulièrement, etc. C'est bien. Il est en. Les jésuites, ils veulent connaître. Oui, bien sûr, mais en plus, il fait référence continuellement à l'anarchisme primitif, c'est-à-dire, pour Armand, l'origine de l'amour libre, c'est pas anarchiste, c'est Christ, c'est chrétien. C'est-à-dire, les hérésies chrétiennes d'il y a un milliard avant. Jésus, c'est la Ouais, puis il y a Oneida aussi, c'est bizarre. Mais après, ça, moi, ça, c'est un sujet que je trouve que ça vaudrait la peine d'être creusé, parce qu'on a tendance à le balayer rapidement, parce que, voilà, c'était chrétien. Moi, pour l'instant, j'aimerais bien... Enfin, il n'y a pas grand-chose sur ce sujet, mais moi, je pense que ça serait un sujet qui mériterait d'être creusé, pour montrer vraiment où est-ce qu'il y a... Enfin, où est-ce qu'il y a une différence. Bon, je pense que ça va, mais bon, où est-ce qu'il y avait des connivences aussi, et enfin, bon, voilà. Enfin, je pense que ça mériterait... Oui, bah si c'est oui, pour rebondir. Il y a eu juste après le moment où il était avec le maire, où il était en cause que l'église est catholique en Romaine, il y a eu un certain nombre de communautés dans des petites villes qu'on appelle dans l'Allemagne, qui n'était pas l'Allemagne, hein, l'ensemble des petites régions, et avec des expériences vraiment qui ressemblent tout à fait, et au Romaine d'ailleurs, avec une donc sexuelle, les enfants élevés en commun, à chacun selon ses besoins, et à chacun selon ses moyens, partage du travail, etc., etc. Ça s'est terminé la plupart du temps dans le sang, parce qu'évidemment ça a dérangé tout le monde, y compris d'ailleurs les protestants, l'institution, hein, voilà. Et ça, c'est un exemple, parce que ça... sur 16e, 17e et 18e, périodiquement, il y a des gens qui se mettent à faire ce type d'expérience. Ouais, même sur plusieurs années. Ouais, même 19e, il y a Oneida, qui connaissent un peu, où là, ils ont pratiqué le mariage, comment on dit, mariage complexe. Et à partir du moment où ils arrêtent le mariage complexe, ouais, mais... Oui, en fait, en gros, ils se marient plus. Ouais, ils suppriment le mariage, mais bon. Enfin, et donc, à bout d'un moment, ils finissent par supprimer ce truc-là, mais c'est plutôt par rapport à l'extérieur, où bah, ça suscite pas mal de réactions, ils sont assez mal vus, ils ont le voisinage, ça se passe très mal. Et puis, une fois qu'ils ont laissé tomber ce côté-là, et ben, tout ce qui est communisme plutôt économique, on pourrait dire, bah, ça survit aussi quelques années encore, mais ça finit par. La parole à Bruno qui s'est exprimé. Bah, tu voulais peut-être réagir sur le sujet. Vas-y. Elle reviendra. Elle reviendra. Oui, je voulais savoir, les milieux libres, à l'époque, pourquoi ça n'a pas pris de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi ça n'aurait pas pris d'ampleur? Pourquoi l'échec? Pourquoi? C'est au contraire, je dirais, ça a pris d'ampleur. Voilà, c'est qu'on ne sait plus que c'est anarchiste. Il y en a eu beaucoup. Il y en a plus. Qui parle que les communautés libertaires passeraient, par exemple, qui ne parlent que les communautés en France qui ont lieu en ce moment. Passerelle. Oui. Après, du côté anarchiste, je pense qu'aujourd'hui, il y en a plus qu'il y en avait au début du siècle. Oui. Oui, je pense que. Ouais. Je pense qu'il y en a plus maintenant des groupes comme ça qu'il y en avait au début du siècle. Ah oui. Même anarchistes, hein. Pourquoi est-ce que ça part? Je posais la question, qu'est-ce qu'on fait également aujourd'hui? Mais ça, c'est la suite de travail. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'en sais rien. Après, moi, je sais que quand je bossais là-dessus, ce qui me semblait assez faible, entre guillemets, c'était le truc de la tache d'huile, qui est encore très présent maintenant. Enfin, je sais pas, quand il y a des discussions là-dedans, il y a toujours des gens pour dire, de toute façon, si on fait ça, il y a des gens qui vont se rendre compte que c'est comme ça qu'il faut vivre et ils vont tous faire la même chose. Et comme si ça allait se répandre, et c'est déjà ce que disait Fourier quand il voulait créer son phalanstère. Donc bon. Après, moi, ce qui me paraît plus intéressant là-dessus, donc c'est pas tout à fait les milieux libres en eux-mêmes, c'est plutôt par exemple ce qu'ils faisaient au journal L'Anarchie, où là ils arrivaient à jouer sur différents plans, quoi, à essayer de changer leur vie, mais parce que du coup ils vivaient, en gros ils vivaient la révolte au quotidien, enfin ils refusaient la résignation, etc. Le fait qu'ils étaient ancrés localement, qu'ils avaient différents modes d'action, que c'était pas, enfin voilà, ouais, qu'ils pouvaient jouer sur différents plans, bah voilà, après et puis en plus, ce qui me semblait intéressant par rapport à l'anarchie, c'est qu'ils sont vraiment, moi j'ai l'impression qu'ils sont vraiment impliqués localement et dans le milieu ouvrier à ce moment-là. Et je pense que ça, ça retombe aussi parce que les mouvements ouvriers de masse, etc., ils ont une période, à partir de, je sais pas quand est-ce qu'on peut dater ça, mais peut-être 1908, 1910, même avant peut-être, il y a eu des grandes grèves et ça retombe et du coup, les anarchistes, ça va. Je pense qu'ils continuent à être présents, mais il n'y a plus la même dynamique. Et le problème, c'est le capitalisme. Ouais, et puis il y a les anarchistes. Ouais. Moi, c'était une petite aparté, mais j'ai, depuis plus de 50 ans, je suis dans la mouvance anarchiste, mais ça ne m'empêche pas de l'observer comme si j'étais de l'extérieur. Eh bien, je peux vous dire que quand on parle de l'amour libre, les mecs qui se disent anarchistes, ils se sont pas précipités pour se faire vasectomiser. Hein. Ils préféraient assister leur compagne quand elle devait avorter. Hein. Alors, évidemment que l'amour libre, dans ces conditions, c'était toujours le risque pour elle. Alors que la vasectomisation, c'est quelque chose qui est indolore et très rapide. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, on vous stérilise. Et vous avez après 15 jours pour épuiser vos réserves anciennes, et après vous pouvez faire l'amour libre à toutes les femmes, à toutes les compagnes que vous pouvez rencontrer. C'est qu'un des aspects de l'amour libre. Et on en parlait de la vasectomie. C'en est un. Non, je ne l'ai pas trouvé. C'est 1930. Mais c'est vrai que cette question... Il y a une lettre comme ça dans le fond Armand, pareil c'est plutôt l'entre-deux-guerres, mais où elle l'écrit à Armand parce qu'elle en a marre de se retrouver enceinte et que des préservatifs ça coûte trop cher et que donc il est gentil de diffuser les idées d'amour libre, mais qu'après, parce que son compagnon il est adepte, c'est un compagnon de l'en dehors et tout ça, et elle lui écrit en lui disant que voilà, c'est un peu insupportable. Mais... Oui, moi je suis surpris que Clotaire dise que la vasectomie c'était pas prôné pour les anards, parce que quand même, tu as cité d'ailleurs Aristide Lapeyre et compagnie, ça a été les pionniers en France de ce problème. Donc je suis surpris que tu dises que ça n'était pas là. J'ai pas dit qu'il n'était pas là. J'ai dit que dans le milieu que je fréquente depuis plus de 50 ans, il y avait pas mal d'anards. Hein. Je les ai pas vus en grande majorité, et loin de là. Aller se faire vasectomiser pour ne pas faire courir les risques à leur partenaire ou à leur compagne. Et pourtant, je disais, Anna. Il y a eu des vagues. Il y a eu la vague des jeunes libertaires, après il y en a eu d'autres après. C'est un pas mouvement. Mais j'ai pas dit, bien sûr, qu'Aristide, ils étaient conséquents. Ils sont allés se faire vasectomiser. Ah oui, ils sont allés se faire vasectomiser. Oui. Mais c'était pas la foule des mâles soi-disant un art, ou prétendant être un art, ou le devenir, qui ont utilisé cette ressource, qui ont moins... Sur un plan beaucoup plus simple, qui ne nécessite aucune intervention chirurgicale, même minime, on pourrait parler du partage des tâches ménagères. c'est pas réussir. Bon. Et du partage du préservatif aussi. Alors oui, je voulais continuer, j'avais que commencé avec la vasectomie. Je m'étonne, enfin moi je ne sais pas, je n'ai jamais lu de thèse ou de mémoire sur le lien entre l'anarchisme et la religion, mais il y aurait une super piste, parce qu'il est évident que quand tu vois l'importance du protestantisme chez les penseurs anarchistes, l'importance du christianisme, alors l'importance du protestantisme c'est reclus, fort, il y en a plein. Le christianisme, tu as Tolstoï, Armand, en réalité, pour Armand comme la plupart... Le protestantisme est dans le christianisme. Oui, mais enfin, en réalité, il y a une filiation, c'est pas en opposition, contrairement à ce que tout le monde croit, parce qu'évidemment, on veut absolument dire « non, ça c'est le croyant et pas l'incroyant, c'est pas aussi simple ». En réalité, on croit toujours à quelque chose, excusez-moi, mais... Quand on parle de, au départ, la remise en question d'Armand, il commence à remettre en question, comme les protestants, Luther. Il était en opposition avec le christianisme qu'il estimait malsain du pape. Hein. Et puis après, il remet, il, il, il, il y a une certaine démarche anarchiste, en tout cas, on revient à l'essence de l'homme, quand un reclus, par exemple, dit que, ou les poulets, c'est pas par hasard que reclus est d'origine protestante, parce que dans le protestantisme, le flic, tu l'as plus dehors, tu l'as dedans, c'est-à-dire tu deviens responsable, et donc tu décides que tu es ton propre maître, et que tu es responsable jusqu'au bout, dans tous tes actes. Et quand tu pousses un peu plus loin, et ce qu'a fait Armand, qui a poussé sa démarche logique, eh bien tu arrives à l'anarchisme, où là, tu estimes que tu n'as même plus besoin de mon Dieu, l'homme est Dieu, c'est, pour reprendre la formule de Nietzsche. Donc en réalité, il y a une filiation, et ça m'étonne que ce soit pas exploité dans les mémoires. C'est justement là-dessus, mais je trouve ça quand même assez délicat, sincèrement. Parce que tout à l'heure, tu dis quand vous parliez des expériences religieuses antérieures, ça m'a rappelé une exposition qui avait lieu à la Grande Bibliothèque de Paris, très grande bibliothèque Mitterrand, sur l'utopie il y a 5 ou 6 ans. Et qui était scandaleuse, mais en même temps stupéfiante, parce que ça s'appelle l'utopie, il y avait 3 parties. La première, c'était les textes religieux. La deuxième, la plus petite, c'était les textes des utopistes, de Thomas More au 19e. Et vous savez, la troisième partie, c'était les nazistes. Ouais. C'est-à-dire, alors là, sur la troisième partie, on peut le récuser facilement. La logique de l'utopie, c'est le phalanstère totalitaire, etc. Ça, on peut le récuser aisément. Mais ce qui était plus difficile à récuser, c'était le fait que toute la première partie reposait sur les textes religieux, la Jérusalem céleste, le paradis, etc., les visions d'un autre monde, qui sont dans tous les textes religieux, meilleurs, où les choses ne seraient pas comme ici. Et c'est pas que ce soit faux, qu'il n'y ait pas de lien, ça dépend. Mais je trouve que ça nous pose un problème, parce que c'est quand même un retour du religieux, c'est quand même un retour de la mainmise du religieux sur la pensée. C'est-à-dire, ce qui est très difficile, donc, c'est l'amalgame qu'on fait entre le religieux et la religion. Ouais. Ils sont deux choses différentes. Donc je trouve que c'est assez délicat, que non pas que ce soit... C'est pour ça que c'est pas très faux, parce que c'est blasphématoire. C'est un sacrilège, en fin de compte. On touche au principe, au dogme de l'anarchisme. Oui. C'est délicat. Si tu veux, on pourrait dire des choses comme ça. Ouais. Ouais. Non, mais c'est délicat à penser, hein. Parce que la pensée se réalise. Chacun votre tour. Si je peux rajouter. Il y avait une demande avant. Moi, oui. Ouais, c'était juste pour. Pour continuer un peu là-dessus, je pensais à la théologie de la libération, de la qui a un poids assez fort. Encore aujourd'hui, on fait un petit clin d'œil aussi à ce qui se passait à avoir très bien ici. Ouais. C'est pas mal. Et après, le truc, c'est un avis. Enfin, il y a tous les trucs d'homme nouveau. Je ne sais pas si l'utopie c'est l'homme nouveau ou pas. Mais. Oui, bon. Oui, pour vous continuer, ce que vous dites, on voit cette différence entre ce qu'on appelle le religieux et la religion. Pourquoi ? Parce que la religion, c'est une certaine pratique du religieux. C'est tout à fait... Alors, vous avez des gens, le mot religieux, pour eux, c'est se placer à un point de vue supérieur. Alors, à partir de là, vous avez des gens qui recherchent l'inconnu, comme il y a des gens qui recherchent l'utopie. L'homme parfait n'existe pas par essence. Ça, c'est prouvé à 100%. Et il n'empêche que tous les systèmes, quels qu'ils soient, politiques, religieux ou autres, je dis bien tous les systèmes, recherche à améliorer l'individu. Et c'est très très très difficile. Et jusqu'à... Vous avez des gens qui pensent d'une manière et des gens qui pensent d'une autre. Et vous devez respecter la pensée de chacun, tout en préservant la liberté de chacun. C'est pour ça que chez les anarchistes, la profession où il y avait le plus d'esclaves, c'était ceux qui rendaient le plus service aux anarchistes, c'était les typographes. Pendant que certains étaient en train de discuter de la pluie et du beau temps, l'anarchiste, d'autres étaient devant une machine à imprimer pour imprimer toute la nuit pour un article qui paraîtrait le lendemain pour diffuser les idées au plus grand nombre. C'est pour ça que c'est très difficile parce qu'il n'y a aucun système, je vous répète, qui est efficace à 100%. Alors, quant à l'amour libre ou autre, c'est ce que moi je préfère plutôt qu'amour libre, amour consenti. C'est-à-dire que dans l'amour, ce qui compte, c'est pas je prends, je donne, c'est j'échange. vous échangez quelque chose contre autre chose. Si l'animal que vous préférez le plus c'est l'éléphant, et moi l'animal que je préfère le plus c'est un canari, si je veux vous faire un don, il faut que vous fassiez don de mon canari et que vous me fassiez don de mon éléphant. Il n'y a aucun équilibre, mais il y a à un niveau supérieur, il existe quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis, ce qui compte le plus, c'est pas je prends, je donne, c'est j'échange. Et c'est là, c'est ce qui est le plus difficile à obtenir. Parce que quand un ouvrier travaille, ça peut être un ouvrier anarchiste, et ça peut être un penseur anarchiste. Le penseur, il ne produit rien. Il produit des idées. Mais je veux dire, au sens pratique, s'il n'y a pas un boulanger derrière qui porte un morceau de pain, il meurt au bout de 8 jours. Vous comprenez ? Alors, c'est pour ça que ce qui est à respecter aussi dans le monde des travailleurs, c'est le monde des paysans, parce que c'est le monde des paysans. Nous, nous sommes dans la cité, nous sommes dans la ville, mais c'est le monde des paysans qui produit le plus. Et tant que vous n'arriverez pas à expliquer à un paysan que celui qui produit, il gagne moins que celui qui vend, il y aura toujours une malaise. Ça n'a rien à voir avec le sujet de mademoiselle, madame, je ne sais pas, excusez-moi, hein, je suis un peu écarté. Hein. Gilbert. Oui, je voulais faire une petite intervention, c'est sur les communautés qu'il y a eu après 68, parce que j'ai posé pas mal à Céline et tout ça, un petit peu tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont faits à ce moment-là, dans le sud, en Ariège, en Ardèche, en Pyrénées-Orientales, en Haute-Provence aussi, on peut parler de Bourgogne qui n'est pas anarchiste. Il y a eu pas mal d'anarchistes qui sont passés, etc. Et la plupart n'avaient pas du tout connaissance de ce qui s'était passé au début du siècle. Ou très très peu. Mais vraiment, moi j'en ai connu assez parce que j'ai fréquenté pas mal de copains là-dedans. On peut parler de Richard Lebagnès, Meras, ou Bonne Bénin, Sex, Sarah Simon, dont on parlait hier. Et je peux rappeler aussi que s'il suffit de regarder les collections du monde libertaire qu'on a, il y a eu pas mal d'articles sur les communautés à cette époque-là. Notamment sur Arsino, il écrivait beaucoup. Beaucoup pour eux. D'autres qui faisaient d'autres démarches, comme pour le Pénin, il prenait sa guitare, il allait chanter sur une scène. C'était aussi une démarche yannique, dans un autre genre. Et ça faisait rentrer des sous dans la communauté. Donc ça s'est développé beaucoup dans cette période-là, ça s'est cassé la gueule aussi beaucoup pour des raisons diverses et variées, économiques évidemment, mais aussi relationnelles, aussi des questions d'âge. En 69-70, ils avaient 25 ans, après, 10 ans plus tard, ils en avaient 35, ils avaient dit autre chose. C'est un peu ça. Mais ceci dit, il y a des relais qui ont été pris depuis. Ouais. Mais justement, moi c'est ce qui, c'est un des trucs qui me paraît vraiment important de parler de ces trucs-là. Enfin, c'est pareil, il y a le bouquin, mais je sais pas, nous à côté, on fait des brochures aussi avec le site, je sais pas, l'endehors.org et puis qu'on diffuse aussi par infocus.net. Parce que même maintenant, il y a de nouveau des gens, enfin, il y a tout le temps des gens quoi qui se mettent à créer des lieux comme ça. Et moi, je trouve ça toujours un peu dommage quand on se retrouve toujours dans les mêmes discussions. Bon, alors c'est peut-être un peu illusoire. Je me dis que peut-être si on arrivait à montrer que ça fait un bout de temps qu'on a les mêmes questionnements, peut-être on arriverait à les dépasser. Bon. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant de se plonger là-dedans pour essayer d'avancer un peu. Quoi. Parce qu'il y a eu après 68, mais peut-être je me trompe et peut-être que j'ai tendance à exagérer, mais en ce moment, moi, je sais pas, autour de moi, il y a plein de gens qui sont aussi dans ces projets-là tout le temps. Quoi. Et les deux aspects, ceux qui sont partis à la campagne et ceux qui ont fait des communautés urbaines aussi. Oui. Économique, convivial. Et puis on retrouve aussi encore le truc de dire, il y a le côté alternatif où on est plus dans une volonté de changement individuel, mais après il y a encore des gens qui créent aussi des lieux collectifs, mais qui abandonnent pas totalement l'idée d'un changement plus général. Quoi. Et, Liliane, ouais. Vous voulez dire quelque chose? Moi, je voulais citer une maxime qui avait été dite sur l'utopie, mais dont j'ai oublié l'auteur. C'est l'utopie d'aujourd'hui et la réalité du futur. De demain. De demain. Ah, ouais, c'est ça. Pierre. Oui. Pour une autre piste à exploiter là, pour les mémoires, je trouve que ça serait de montrer que les communautés, contrairement à ce que vous disiez d'ailleurs, là, ça n'a pas baissé, ça a augmenté, mais par contre, la manière de présenter les communautés est complètement opposée. C'est-à-dire qu'à l'époque, du fait qu'ils croyaient qu'ils avaient découvert la fille à couper le beurre, ils étaient très triomphants, hein, c'est vachement net dans les textes de l'époque, Libertin en particulier, qui traite toujours les autres d'idiots. Et en fin de compte, parce qu'ils étaient persuadés qu'ils avaient découvert la société future et le moyen de la mettre en œuvre. Et donc, à l'époque, ils étaient naïfs et triomphateurs, alors que maintenant, ben, il y a eu le désenchantement pour pas mal de choses, et il y aurait eu la révolution espagnole qui a remis à sa place l'anarchisme, et pour l'aspect communiste, et même pour l'individualisme qui pourtant, à mon avis, a le moins mal vieilli, il y a quand même cette même évolution, c'est-à-dire que les communautés d'aujourd'hui, elles ne s'imaginent pas qu'elles vont refaire l'humanité, elles font des petits trucs très modestes, à petite échelle, et elles ne crient pas sur les toits. Donc c'est intéressant, à mon avis, comme piste à exploiter, parce que c'est une approche complètement différente de l'époque. Bah, après, justement, sur Libertad, par exemple, moi je ne pense pas qu'on puisse dire que... j'ai pas l'impression que eux ils arrivaient avec l'idée on a la vérité, on avance dans ce sens-là et on sait ce qui. Bah, que les métiers inutiles, c'est qu'ils décident qu'ils sont inutiles. Or, ça se discute tout à l'heure. Mais après, il y a un ton qui est là. Après, il y a un texte de lui que j'ai vu récemment où justement il dit nous on n'a pas la vérité, sauf que on pense qu'il faut avancer dans ce sens-là. S'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, qu'on en discute, quoi. Pour l'instant, nous on avance dans ce sens-là. Enfin, moi ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'ils avaient déjà ils avaient quand même une certaine désillusion, dans le sens où ils remettent quand même déjà en question l'idée de révolution. Enfin, le grand soir, c'est quand même un truc qui leur semble déjà un peu pas si évident que ça. Généralement, ils disent la critique qui est faite par les communistes sur les individualistes, c'est vous occuper de vos communautés et vous laissez tomber la révolution. La critique que font les individualistes par rapport aux communistes, même à cette époque, c'est qu'ils disent en attendant le grand soir, il faut déjà vivre en révolutionnaire. Mmh. Et donc on fait la révolution tout de suite. Oui. C'est le présent contre le futur. Oui, c'est clair. Mais du coup, ils remettent quand même en question cette idée de grand soir. Et moi, je pense qu'ils avaient quand même un peu une désillusion par rapport à ça. Et que je pense que même le ton libertable, quelquefois, c'est aussi... je sais pas comment dire. Mais c'est aussi une manière de gagner en force, quoi. Enfin, je sais pas si... Parce que, par exemple, c'est pareil... Il n'est pas contre la révolution future. Il veut simplement la faire tout de suite. Oui, mais justement, c'est quand même pas la même chose de dire... de parler de la révolution future, etc. Mais oui, voilà, faut la faire maintenant. Tu n'es pas contre la révolution. Non, mais moi, je suis intimement persuadée qu'ils n'avaient pas abandonné l'idée de révolution. N'empêche qu'ils ont quand même un certain nombre de textes où ils critiquent ce truc-là et l'idée du grand soir, etc. Et qu'après, oui. Je pense que le ton en lui-même, c'est aussi une manière d'aller de l'avant, quoi. C'est pas que juste pour dire les autres, c'est abruti, nous, on a compris, on a la vérité. Je pense que c'était pas tellement ça le truc. C'est plutôt que d'être affirmatif, d'aller de l'avant, c'est toujours mieux que de se dire on a perdu d'avance, c'est foutu, quoi. Je pense que à mon avis, la forme du discours, elle a une importance par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et donc, c'est juste pour dire que je suis pas sûre qu'on puisse dire à l'époque ils étaient triomphants et maintenant on l'est plus. Parce que je pense que voilà, ce discours-là, c'est aussi une manière d'être combatif. Et cette forme de discours-là, pour moi, elle n'a pas du tout disparu. Hein. Après, on n'est plus dans les mêmes contextes, etc. Mais il y a encore des groupes maintenant qui ont vraiment qui gardent ce ton-là et de dire on avance vers le futur. Je pense. Ah ben, j'ai un texte. Oui, mais ils sont pas. En plus, ils sont pas. Regarde sont... l'époque. On lit les textes de l'époque. Quand tu vois les noisetturiens, ils pensent qu'avec le végétarisme, ils vont tout régler. Quand tu lis Libertad, ils te disent qu'il y a des boulots inutiles. Hein, alors que ça se discute grandement, évidemment. Il y a mille manières de définir ce qu'est un boulot inutile. Hein. Quand il présente sa manière de vivre, c'est toujours des trucs définitifs. Et d'ailleurs, la preuve de ça, c'est que après, même dans la période que tu as étudiée, tu as un glissement. Tu t'aperçois qu'ils se disputent, que ça commence à déraper. Et à la fin, tu as des lignes libertaires qui sont... mis en exergue dans tous les journaux libertaires, et puis tout d'un coup, on n'en parle plus, parce qu'ils se sont en disputé, et ils s'aperçoivent qu'ils reviennent, malheureusement, à l'humanité commune, c'est-à-dire les anarchistes qui croyaient refaire le monde, ils reviennent au point de départ. Et d'autre part, tu as une critique qui est dans l'esprit de l'époque, il faut se replacer dans les débats de l'époque, il y il y avait une rivalité, c'est la belle époque, si je puis dire, non seulement en général, mais à la belle époque de l'anarchisme, c'est-à-dire que c'est arrivé au maximum, c'est-à-dire que l'anarchisme avait qu'un corps, et puis d'un seul coup, il y a eu deux branches qui ont apparu, même trois, en rajoutant l'anarcho-syndicalisme, mais moi, pour moi, c'est qu'une branche du communisme. Et donc, ces deux branches, le communisme et l'individualisme, se sont trouvées en rivalité, à tel point que Libertad s'est parfois tapé avec, des révolutionnaires. Hein. Et en réalité, et chacun a envoyé les mêmes arguments inversés, c'est-à-dire que le communiste disait à l'individualiste, tu perds ton temps, et au lieu d'aller t'occuper à faire la révolution, tu baises ou tu fais une communauté. Et l'individualiste renvoyait au communiste en lui disant, au lieu d'attendre la révolution, fais-la tout de suite. Mmh. Donc il y a un débat d'idées qui est important. Oui, je suis d'accord. Après, juste du coup, pour rajouter sur le côté, même par rapport au mépris, etc., bah, par exemple, il y a tout le discours sur les ouvriers. Il y a une certaine critique de l'ouvriérisme. Mais alors, par exemple, ce discours-là, ça veut pas, pour moi, ça ne veut pas du tout dire qu'ils considèrent que... Ils sont critiques de l'ouvrier, ils considèrent que c'est tous des alcooliques, etc. Enfin, ils ont ce discours-là. Je ne pense pas que ça veut dire que, pour eux, ce n'était pas de dire que ce n'était pas avec les ouvriers que les choses allaient se faire. Je pense que c'était aussi... Là aussi, c'était un peu la force du discours, quoi. Pour eux, ils jouaient beaucoup là-dessus, de dire les textes haut résignés ou des choses comme ça. C'était aussi pour booster un peu le truc. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même cette chose-là. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Replace-le dans le contexte. À l'époque, on rappelle un seul exemple, la bande à Bounod. La bande à Bounod, ils ont commencé par distribuer des tracts à la sortie des usines. Ils ont vu que les ouvriers les envoyaient chier, oui. Et ils se sont dit, bon, ce sont des veaux. Et donc, ils sont de l'autre côté, on n'a pas de principe à avoir, on n'a pas à les respecter, et ça a amené à la dérive qu'on a retrouvée dans l'anarchie une nouvelle fois avec les problèmes là de banditisme, etc. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de descendre les flics et les encaisseurs, et alors, paf, ils ont tourné sur la violence. Après, au départ, ils étaient pour le peuple, si je puis dire, oui. Et puis à la fin, ils sont devenus individualistes au sens pathologique, si je puis dire. Oui, mais justement, la bande à Bounod et le moment de Libertad, c'est pas exactement le même contexte non plus. Au moment 1905, quand Libertad il a son journal, etc., on est quand même dans un moment où il y a encore des grèves, des grandes grèves, et qu'il y a un certain mouvement. La bande à Bounod, c'est dans les années 1910, c'est quand même retombé, donc c'est vrai qu'il y a un certain désespoir, et là, on sait. Ils ont commencé à participer des tracts à la fin. Mais oui, justement. Donc, ils étaient pour la révolution. Mais et oui, puis après, ils ont considéré les ouvriers comme des veaux qu'il fallait mépriser, et après avoir considéré que les gens, le peuple. Ils avaient déjà ce discours-là avant, quoi. C'est ça que je veux dire. Même en 1905, Libertad, il a déjà ce discours-là. Oui, mais Libertad, il était très extrême. Bon, Thierry, puis après on va conclure, hein, de toute façon le local reste ouvert, on peut discuter à bâton rompu après. J'ai pas compris la... Il y a encore... Donc, il n'a pas parlé de... La conclusion. D'accord. Alors Thierry. J'ai pas compris la... Peut-être parce que je t'ai pas dit. Oui, ça peut. C'était quoi le problème en deux mots? C'était ce que tu disais là, c'était... Je pense qu'on n'était pas... En fait, à la base, c'est parti sur le fait que au début du siècle, c'était l'apogée du mouvement anarchiste, et donc qu'ils avaient un côté vachement triomphant d'apporter la vérité, etc., et de dire que maintenant, et de considérer que les ouvriers c'était plus des bons, et de dire que maintenant il y a plus ce discours-là, les gens font plutôt les choses dans leur coin, et tout ça. Et moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce... C'est un problème de pourcentage. À l'époque, il y avait déjà des gens qui critiquaient et qui étaient quand même plus prudents. Et puis maintenant, il y a des gens qui... Moi, j'ai connu des tas de petits jeunes qui s'imaginent et qui vont faire la société future avec 10 mecs en les armes comme ils veulent. C'est classique. Mais par contre, actuellement, ce qui est quand même remarquable, c'est qu'alors qu'à l'époque, tu retrouves très facilement, d'ailleurs, c'est ça que tu as exploité dans ton fond d'archives, hein, tu retrouves des tas de déclarations fracassantes, venez donner de l'argent pour aider la révolution future. Alors que maintenant, les gens n'osent plus envoyer des souscriptions parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de révolution future qui va s'en régler aussi simplement. Oui. Donc il y a quand même le centre de gravité a changé. Mais quand ça même. A changé. Sauf qu'après, ça me paraît quand même intéressant de montrer, de se rappeler quand même que les milieux libres aussi, ça apparaît dans un moment où il commence à y avoir une certaine désillusion par rapport à la révolution. Et donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, on est dans le balancier inverse, où effectivement, on peut dire que quasiment tout le monde est désillusionné par rapport à ça, mais il y a encore des gens qui sont... C'est toujours naïf. Ce que je veux dire, c'est que quand même, les gens aujourd'hui, qu'on pourrait faire un parallèle d'aujourd'hui avec les milieux libres d'époque, c'est les squats. Oui, c'est ça. Ça ne même pas souvent, ces histoires-là. Je dirais que pour moi, ce sont ceux qui sont peut-être parfois le plus au courant de ce qui se passait chez les individualistes au début du siècle. Connaissent parce qu'ils refont vraiment le... Cochon. voilà, notamment Georges Cochon, c'est vers eux qu'on arrivera à entendre parler, et il reprend en quelque sorte ce que faisaient les individualistes, beaucoup de brochures, il y a beaucoup cette idée-là de la propagande par la brochure, comme c'est, voilà, à prix libre, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les infokiosques, ils reprennent des textes d'époque, les déclarations de gens comme Émile Henry, Rachel, on pense qu'on veut, mais ils n'étaient pas sortis ici. Depuis là, nous on a des tonnes de brochures ici au CIRA, on pourrait aussi faire ce boulot-là, repliquer des vieux textes, mm-hmm. Évidemment, il ne faut pas rester que dans le vieux, hein, parce que sinon on ne s'en sort pas, mais voilà, ils participent, c'est très intéressant, et ils ne sont pas automatiquement dans les squats en plus. Non, mais dis pas qu'ils n'existent plus. Non, mais j'ai bien entendu. Regarde, c'est important ce qu'avait l'anarchisme à l'époque. Voilà, alors tout le l'art, on n'en a pas parlé du tout, mais l'art était complètement influencé par l'anarchisme. Et le problème, la rue blanche, etc. Le problème, il est qu'aujourd'hui, je pense que les petites, c'est pas péjoratif, mais les chapelles, parce que je trouve pas de tout, mais oui, alors on va limiter. Déjà, les milieux des squats vont critiquer tous ceux qui sont organisés. Moi, je sais, je suis organisé au sein de la fédération anarchiste. Quand je dis ça aux des milieux squatteurs, je vais en prendre plein la gueule pour le passif de la FA. Moi, je m'en fous du passif de la FA. C'est aujourd'hui que je le lis. Et si en plus je rencontre quelqu'un de l'OCL où normalement à l'AFA on est censé faire la synthèse, où on rencontre encore des individualistes, il y en a encore à l'AFA, alors là c'est fini pour des gens de l'OCL ou alors de la CNT, l'anarcho-syndicaliste, c'est pire que tout. Donc aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une coupure qui s'est faite, qui des fois on va retrouver. Mais cette coupure elle est là et on s'aime pas. Voilà. C'est ça. C'est, on est dans la même famille, on va dire, mais on s'aime pas. Après, ça. Si tu lis l'histoire de Fontenis, c'est comme cette espèce de haine, vis-à-vis de tout ce qui n'est pas opposé, tout ce qui ose être individualiste, et si on est individualiste, c'est pas anarchiste. Ouais. Ça va jusqu'au passage de gueule de responsable, de revue, etc. Jean-Pierre. Attends, non, mais juste pour. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Parce que moi j'aimerais bien que c'est plus... Enfin, quand je décris les milieux du début du siècle, moi ça me semble vraiment intéressant parce que même s'ils se tapent sur la gueule parfois, ils arrivent quand même, on a l'impression, à être ensemble sur certains moments. Quoi. Et bah, ouais, donc c'est vrai que nous on fait un infokiosque aussi, et moi je diffuse les brochures et je suis aussi sur les milieux livres à côté, tout ça. Quoi. Mais c'est vrai que par exemple le truc de la F1, ça a circulé que le bouquin était sorti avec le 4e couverture, bah ça c'est un truc... Ça passe pas, quoi. Enfin, tout le monde a lu le truc en me disant il y a quand même des divergences sur au niveau des idées aussi, quand même. Quoi, qui sont là. Mais après, c'est vrai que moi je serais d'accord sur le fait, sur la pratique, j'aurais besoin de. Intergénérationnel. Ça. C'est ça, oui, aussi. Non, mais il n'y a pas trop de différents groupes. Et ça se fait pas mal sur les trucs de génération aussi. C'est assez dur d'échanger. Je sais qu'il doit y avoir un certain nombre de squats. Sur les squats, c'est très jeune. Hein, c'est des très jeunes. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse facilité des échanges particuliers entre par exemple, le CIRA et les squats, alors que sur certains trucs, ça peut. Et c'est aussi pour que justement Et c'est là où ça passe pire, ça passe pareil, moi je vois à travers qui réagit, qui agit, qui est à son niveau, ce qu'il peut, je vois qu'il y a une prise de conscience qui annule. C'est fini, on ne cherche plus dans un part, on ne veut plus adhérer au troupeau, quelque troupeau que ce soit, quelque couleur que ce soit. Alors, il y a eu le phénomène de. Bon, je passe le capin à travers tout ce qui a été dit. C'est pour ça que les hommes partent encore, fusilent Amen, pour tout pays, n'importe quelle guerre, parce qu'il n'y a que ça qui les. Qu'il y a quelque chose qui les réunit à travers un espoir, une croyance, et plus personne ne croit. Personne n'a cru, les points de vue qui se partent à chaque table, et tous ceux qui se partent à la guerre, on a envie d'échapper, parce qu'au départ, avant de partir, ils savaient que c'était. Que tout était faux, qu'on les culpait, ils ont besoin. Ils ont besoin d'une petite histoire, d'un petit truc qui va leur donner l'impression d'agir, de faire et de construire. C'est un petit retour à la destruction, qu'à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, toutes les expériences, sans être par des individus qui se réunissent, qui font quelque chose ensemble, avec leurs moyens, ce qui sort, ce que nous sommes. Moi, je dis ça, je ne suis pas autre que je n'ai pas encore goûté, mais j'essaie d'avoir cette conscience toujours présente, avec qui me permet, bon, attendez, de tout dire, mais c'est il faut tenir, et pour le moment, ça passe trop dur. Je ne pense pas que ce soit difficile, c'est comme quelque chose qu'on a porté trop longtemps, et on dit, bon, mais qu'est-ce que j'ai mal au dos, on le prend, tiens, ça soulage, bon. C'est que si on ne se raconte pas l'histoire, on pourrait avancer peut-être pas pratiquement, complètement, mais se donner la possibilité de porter en nous quelque chose de positif en tant qu'individu. Et quand des individus qui sont à un même niveau, ça va vite. Ils peuvent changer, ils sont débarrassés de tout ce qui dérange dans la pensée. Ça a traversé tout ce qui a été dit, les conseils des communautés, le reste. Donc, on va remercier Céline d'être venue, d'avoir bravé le froid, traversé toute la France en stop. Pour venir nous voir. Donc, nous avons quelques. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont lu, qui l'ont, mais il y a quelques exemplaires du bouquin. Avec un petit mot. Je voudrais que je sois corrigé. Non, mais il y a mis un petit mot. C'est un problème récurrent, si tu regardes ça, il y a aussi dans Cécilia et Rata, parce que ACL, ils sont pas meilleurs qu'aux éditions Libertaires. Même quand ils font relire, ils n'avaient pas les résumé pour ceux qui n'ont pas envie de lire le livre. Non, je ne l'ai pas amené, mais... Juste pour demander vous répondre à ce que il y a un point qui est regrettable, et c'est là où le travail de Céline n'est pas intéressant, c'est que toutes les communautés qui se sont cassées la gueule, ils n'en ont pas tiré des conséquences. Et en les interviewant, ceux qui sont... Parce qu'ils n'arrivent pas à voir... Ils sont sortis du truc, ils ne veulent plus entendre parler. Ça a été difficile de le faire, la maîtrise. Des expériences, il y a le fil conducteur qui est la situation de position. Je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est difficile à faire soi-même. C'est par rapport à un dialogue avec d'autres qui ont. C'est chacun qui va le faire en lui, c'est pas le groupe qu'on va... C'est pour ça que tu as beaucoup de communautés, tu as beaucoup de... Alors maintenant, la religion, ils ouvrent les portes à grand et tout le monde va dans la... Oui, on a le même. On se voit pas, c'est lui, au groupe.